fait des tests. Pas six, on est live. Let's go. On nous entend, je suis juste passé sur des lives. Ouais. On m'entend parler, hein. Ouais. Okay. Ben, c'est normal, je pense que c'est parti quand sinon il aurait fallu que tu t'amanges pour comme mettre le volume à part. Mais je m'en fous. Au pire, je vais me muter puis je vais tout. Ah ben, ils vont nous entendre d'abord. Ben oui, on est déjà trois. Mais tu penses pas que ça va entendre nos voix en plus avec la musique? Ah! Oh non! J'ai pas pris la bonne grosseur, check, on voit les carrés noirs. D'un côté. Ouais. Je sais pas. Peut-être la grosseur qui est de leur chance. Pas grave, c'est le premier, là. En tout cas. Mais moi, je vais juste me muter un peu. Je vais t'écrire, puis je reviens, OK? BRB. Oh, you are my star. We are connected, Miss Red. I'm here, I'm your statue. Your heart is a magnet, I'm coming at you. Girl, you're my target, I'm aiming at you. You're a comet, I'm trying to catch you. We can break any rule they ever taught you. Forget about anything they ever bought you. Cause me and you don't need a lot in this world to get by. Plus you know I got you, you pull me in. I don't resist, time seems to fly but the clock doesn't tick. I crash into you, we both feel the hit. We both feel the way that our chemicals mix. And I wish that if I just keep my eyes shut, maybe this time it'll be enough. I need the dark. Without you here, I would never see the stars. I'm headed for you. Foot on the gas. I'm coming straight at you, no looking back. Nate's shot. I remember Nate's shot. I remember Nate's shot. Dans le fond, c'est comme un grenade, je pense. Une grenade, Nate. Ah, oh, mon Dieu, ok, je suis bien noob. Ouais. Voyons, on a Sidebot ne veut pas arrêter. Ok, c'est beau. On est-tu prêt, là? On est-tu prêt, là? Ok. Ouais! Oups. C'est masking! T'as vu? Snapchat, c'est cool, hein? Où ça? Ah, oh, t'y connais! Oh, t'aurais dû le dire! Ben, j'en ai-tu qui l'ont lu? Attends. J'en ai un qui vient de me répondre. J'en ai un autre qui vient de voir. J'en ai un autre qui vient de voir. J'en ai un autre qui vient de voir. Ben oui, c'est Sébastien, il vient de le voir. Nice! C'est bon, t'as vu? Cool! Hey, salut, toute la man! Tu sais, quand je te dis que c'est cool, là, avec... Oh, Nate Shot, c'est le meilleur joueur de code, OK? Oh, dans ma tête, Nate Shot, c'est quand tu tires une grenade, genre. Oh! Moi, je suis là, ouais. C'est bien malade. C'est cool, hein? Ben oui! Là, vous nous entendez-tu correct? On va attendre avec le délai, là. Ça me tente pas de comme qu'on parle toujours en même temps, ouais. Puis ça fait genre, guys, on vous entend pas. Ah, ben, on va faire les tests de son anyways, ils vont faire nous dire si tout est correct. Ok. Bon, Jake, t'as vu? On t'a envoyé un Snapchat puis tout de suite. Ben oui, c'est bien malade. Mm-hmm. Non, moi qui chialais sur ça. Ok, je vais en faire un. Gars, je vais l'envoyer sur mon Facebook à cette heure avec ma photo. Hey, The Chief! Salut! Yeah! Yeah! Ok, ben, en tout cas, ben, on va commencer, mais je veux dire... dans le fond, notre podcast... My God, que je lag! Comment ça? Je me check sur ton podcast, là, puis je lag fois 1000. Comment ça, tu lag? Ouais. On dirait qu'on lag, sur ton podcast. Oh, tu me niaises? Nope. Oh, God, gentleman, il est venu pour voir One Up en arrière. Moi, en tout cas, ça dit que mon stream, il est qualité excellente, puis mon BS, genre, j'ai... Non, mais check ta rediff, tu vas voir. Présentement sur le site directement. Non, non, je sais, mais je peux pas faire ça parce qu'on peut pas checker nos propres diffs sur notre ordi. Ça a l'air que ça bug puis ça. Ouais, moi aller. Je fais tout le temps ça en tout cas. Là. On va lui demander, vous, est-ce que vous nous voyez un petit peu laguer comme? Moi, je vois pas laguer. Non! Mais non, c'est toi qui es fucké. Pourquoi je vois des lags de même de bord? Parce que l'ordi, c'était tout bon. Ben, et là, je regarde une vidéo. De toute façon, Anne, là, je te disais. Ouais. De toute façon, moi, je te disais que dans le fond, le tantôt, là, toi, tu voyais les bords, là, puis moi, j'en avais pas. Ouais, c'est vrai, c'est fucké, ça. Non, regarde, tu vois, gentleman, il nous dit, pantoute, non, c'est beau, tout est beau, c'est ça, c'est ton sel, là. C'est juste moi qui capote, là. Ouais, ouais, ok. Bon, fait que c'est ça, fait que comme vous avez pu le voir, notre super podcast écœurant, il s'appelle Anne et Kat, fait que c'est, yep. C'est le nom du podcast. Puis, dans le fond, c'est un podcast, c'est de nous, c'est un podcast de filles, pour laisser de la vitrine, dans le fond, aux filles qui sont sur Twitch ou qui sont dans le jeu vidéo, peu importe, peu importe le thème. Puis, nous autres, on veut avoir vos opinions, puis on veut avoir l'interaction du chat, donc ne vous gênez pas de nous parler, on veut vos avis. À quoi vous allez jouer? Oh oui! Oh! On va pas jouer, on fait un gaming talk show. Un podcast! Ah, ben, est-ce que vous savez okay. Qu'est-ce que c'est un podcast, guys? Vous savez comme les lundis, par exemple, avec Francis, puis One Up, puis etc. Francis, puis One Up! Non, mais avec Francis, puis avec, par exemple, Epic, etc. Ben, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils font des podcasts. C'est-à-dire, on parle des nouveautés, on parle de ce qu'on a joué, de ce qu'on a aimé, blablabla, blablabla. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est un stream un peu plus spécial que d'habitude, mais ça va être cool! Ouais. T'as peu. Je vais essayer. Ouais. Là, je comprends pas, là. Ça a l'air qu'on m'entend full de loin, fait que... C'est mon micro fait Alex, ça, des voilà. Fois. Hein? Non, je lisais le chat. Non, mais dans le fond, là, gentlemen, le podcast est une vitrine pour les filles. Dans le fond, n'importe qui peut le regarder, mais vous allez voir des filles. Puis on va parler de maquillage. Non, c'est pas vrai. Non. C'est une affaire pour que le chat s'en aille, genre. Ben ouais, non, c'est sûr. De toute façon, on n'est pas sur Twitch pour parler de maquillage. C'est comme évident. Ouais, ça m'arrive. Ben, il y en a! Sur Twitch? Ben oui. Ah, oh, ouais. Bon! Fait que... Comment ça, c'est là? Merci à tout le monde d'être là. C'est vraiment nice. C'est vraiment cool de votre part. Comme on dit, c'est notre premier podcast, donc ça se peut que ça soit différent de jour en jour, c'est sûr qu'on va, ben, premier podcast ensemble. Je sais que Katla, ça l'a souvent fait, par exemple, avec Girls on Game, puis moi, j'en ai fait, je pense, deux fois. Fait que, avec Anne, on parle de tout. Ouais, c'est de même avec moi. Ouais, salut, Paradosie. Sinon, c'est environ ça, là. Ça va être cool, ça va être nice, ça va être relax, etc. Hey, merci pour le follow, excuse. Paradosie vient de follower, si j'ai bien vu. Mon Twitch alert, il est genre en bas, je vais le monter, là. Puis pour les gens qui follow, j'invite également à follower la chaîne de Anbi Gaming. Ouais, mais j'ai toutes. Tout le monde que je connais. Yeah! Ah, OK. Bon, en tout cas, mais je le dis, là, si, mettons, il y a du monde qui follow, vous les spammerez de follower la chaîne à Anbi quand même. Très gentil. Bon, fait que c'est ça. Fait qu'on va faire ça. J'ai mis mon Twitch. Mon Twitch, alors, je l'avais mis dans le fond, en dernier. Fait que c'est un petit peu con, là, mais en tout cas. Pas grave. Ouais, là, on va être. On va être seté. Donc, ah! Non, j'ai pas ton cerveau d'affaires. J'essayais de faire un petit coup vite, là. C'est ça va marcher. OK, c'est beau! Mon son, à moi, est-tu mieux? J'ai rapproché mon micro. Pardonnez! Ah, ça a l'air qu'on m'entend vraiment pas bien. C'est quoi le fuck? Est-ce que vous l'entendez comme il faut ou il y a des problèmes de micro? Hey, Marc! Salut! Ça a l'air que toi, Anna, t'es genre parfaite. Merci pour le follow! C'est qui, Marc? Ouais. Yes! Marc est cool! J'ai mis le Twitch à l'heure dans notre face, c'est un petit peu... On entend très bien. Ben, en fait, Marc, ça serait moi que on entendrait, genre, pas bien, puis de loin. Peut-être que j'ai trop une voix aiguë au travers avec... non, c'est ça, genre, tout le monde fait comme... Ah ouais, ah non, on l'entend parfaitement, genre, on s'en crisse de l'autre. Ben non! C'est folle plein d'amour! Oui, t'es tellement... Je sais pas! Non! Ah, non, mais oublie pas, Marc, les caps, c'est juste sur ma chaîne! Comment ça, je chicane de conseil à votre de fuck? J'ai mon micro en face! Bon, ça fait. Oups, petite! En attendant, guys, quoi de nouveau par chez vous pendant qu'on fasse les tests, etc.? Est-ce qu'il y a des jeux que vous avez joués cette semaine? Après nous, on va vous répondre une fois que les tests de micro vont bien fonctionner. Oh, inquiète pas, Marc, sur ma chaîne, t'es immunisé, ah, ça compte pas! OK, mais je devrais être correct, là, parce que j'ai fait un changement, là, puis je devrais être correct. Fait que... Quand t'es moins forte. Ah, elle est juste moins forte! Ouais, c'est ça. Ouais, que tu montes ton micro, ça a l'air. Je sonne la cam, mais t'as peu, j'ai fait un changement, là, ça devrait faire. Puis on va checker. De toute façon, c'est pas grave. Bon, fait qu'on va y aller avec notre jeu de la semaine. En attendant qu'on ait un feedback, là, de la gang, là, avec le délai. Fait que... Est-ce qu'il va mieux, là, ton micro, ou...? Ben, c'est ça, on va entendre le feedback, là, du monde, là. Parce que si tu parles, je t'entends pas. Oh, fuck. Ah, c'est ça, l'affaire. Bon. OK, c'est à cause que je me suis mute de Skype, ça veut dire que tu m'entends pas. Nope. Mais là, d'abord, c'est quoi? C'est quoi que Francis fait, là? De quoi, c'est quoi qu'il fait? Il fait rien? Francis, il ose pas le stream. C'est à cause que, dans le fond, là, je sonne la cam probablement parce qu'il va chercher le micro sur Skype. Ouais, ça a l'air, c'est mon micro qui est trop fort comparé au tien. Ah, oh, merci, Cindy. Mais faudrait que tu baisses mon volume. Ou que tu montes le tien selon The Chief. OK. Bon, fait que je nous ai mis... Tiens, je nous ai mis égal, là. Fait qu'on devrait être correct, là. Oh, mon volume, t'es plus haut? Oui. Fait que là, ça devrait être correct, là. Ah, c'est ça, t'étais dans le maximum, toi. Je t'avais mis dans le pralon. Hé, hey, merci. Je parle pas assez aigu, c'est ça? Hein? Je parle pas assez aigu, c'est ça? Ouais. Merci pour le host, Mac Fauville. Marc! Bon, fait que... OK! Gentleman, il dit que je suis toujours aussi fait. Excusez. Bon, OK, fait qu'on va y aller avec le jeu de la semaine. Dans le fond, toi, Anne, yes. Tu joues à quoi? Ben moi, là, je vais être honnête avec vous, j'ai joué à 3 jeux cette semaine, OK? Les jeux que j'ai joués, le premier que j'adore, que j'ai découvert il y a pas longtemps, je sais que je suis en retard, c'est un jeu de Ubisoft, ça s'appelle Call of Juarez, Gunslinger. Ben si c'est espagnol, là, c'est Juarez qu'il faut dire. Juarez, Call of Juarez. Puis ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est un jeu où est-ce qu'on est des cow-boys. On est vraiment dans le temps où est-ce que c'était des personnages qui existaient vraiment, comme Billy the Kid, etc. Puis c'est des personnages que tu rencontres au fur et à mesure du jeu. C'est vraiment humoristique. Il y a plein de... Si vous voulez, vous pouvez aller voir, là, il y a plein de types, c'est-à-dire c'est vraiment un type shooter. Mais ce qui est cool aussi, c'est que vous pouvez monter vos statistiques, par exemple, si vous préférez le corps à corps, si vous préférez, tirer de loin, être plus tank, vous pouvez avoir toutes ces options-là. Puis ce qui est encore plus nice, selon moi, c'est quand on arrive à la fin avec le boss. Avec le boss, c'est comme quand on est dans le western, là. Vous savez, le boss est l'autre bout, moi, je suis en face de lui. Il y a les petites moumoutes de poussière qui se promènent, tu sais. Oui! Puis là, il y a du temps. Là, on est comme, c'est comme, il faut pas bouger. Puis une fois que l'autre personne met sa main sur son gun, je peux prendre le mien, puis le tirer, puis le tuer. C'est vraiment comme dans le temps du western. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Il y a plein d'options à utiliser. Sinon, il y a aussi Dead by Daylight, puis Telltale Game, Game of Thrones. Game of Thrones, c'est lui de Telltale Game. Je sais, je t'en retors. Je suis en train de pleurer ma vie. J'écris à Catless. Oh non, mon personnage est mort! Oh non, tu Puis le dernier jeu, c'est ça, c'est Dead by Daylight. Présentement, la bêta est gratuite. Si vous voulez y avoir accès, regardez, je vous envoie le lien. Ça, ici. Ouais, ça ressemble beaucoup, c'est juste qu'il y a des boss qui font des choses différentes. Tiens. Fait que je vous envoie le lien. Ce lien-là, c'est si vous voulez avoir accès à la bêta. Pour l'instant, ça arrive qu'il y en a quelques-unes, mais c'est très difficile à l'avoir parce que les gens laissent leur écran ouvert. Puis une fois qu'ils entendent la chanson, on se dépêche d'aller toutes utiliser les bêtas possibles, à pouvoir les garder. Mais vous pouvez quand même tenter votre chance, c'est là-dessus qu'on peut les trouver. C'est vraiment cool, c'est un jeu d'horreur, etc., etc. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est sûr, moi, de mon côté, je le stream, puis je l'ai déjà streamé. Fait que je veux pas trop passer mon temps là-dessus non plus. Là. Et toi, Catless? Ben moi, en fait, j'ai joué à Uncharted 4 le dernier. Mm-hmm. Puis c'est quand même bien parce que, dans le fond, je l'ai acheté, puis après ça, Overwatch est apparu. Donc, j'ai délaissé un peu, puis je l'avais streamé la première journée quand je l'avais acheté, puis c'était plate un peu parce que, dans le fond, personne ne voulait venir le voir en stream parce qu'ils voulaient tous le jouer, tu sais. Mm-hmm. Puis, fait que tous les gens qui aiment le jeu, puis tout ça, dans le fond, ils ont passé le jeu en une semaine, là, mais moi, c'est mon premier. Dans le fond, fait que je le stream assez normal, là. Puis, fait que ça, c'est le fun. Fait que là, j'ai du monde qui l'ont joué, qui l'ont beaucoup aimé, qui viennent, qui m'encouragent. Puis, j'adore ça. Je trippe bien gros. Puis, je trouve, là, que la fonction, là, de jouabilité, comment qu'on dit, tu sais, quand tu conduis, là, tu conduis un Jeep, puis je trouve ça écœurant, là, c'est vraiment bien fait, là, parce que dans Assassin's Creed, oublie ça, là, tu veux pas me voir conduire, là, mais dans ce jeu-là, je suis quand même pas pire. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Puis sinon, j'ai joué à Overwatch, comme je disais. Mm-hmm. Puis, dans le fond, moi, je suis zéro puis me barre en shooter, fait que j'apprends, puis moi, je me focus expressivement sur May puis sur Morsi. Mm-hmm. Puis... bizarrement, là, ben moi, c'est parce que j'ai pas de team. Donc, moi, je joue en matchmaking, puis je suis vraiment chanceuse. Toutes mes matchmaking vont super bien, là. J'ai peut-être pogné 3 matchmaking, là, qui étaient push. Puis, fait que je suis quand même capable de jouer super bien. J'ai vraiment du fun, fait que je suis vraiment contente. Mm-hmm. Puis, après ça, cette semaine, j'ai également streamé le DLC Détente au spa des Sims 4. Oh, puis la restauration aussi, je pense, hein? Oui, DLC de restaurant qui est sorti au restaurant ou Dine Out, qui est sorti mardi. Puis je vais faire une parenthèse, parce que moi, ça m'a fait capoter ben raide. Tu sais, nous autres, on est habitués que quand t'as un jeu qui sort, il sort, mettons, je sais pas moi, le 5 juin, fait qu'on sait que le 4 juin à minuit, tu sais, on joue, OK? Mm-hmm. Ben, Sims, là... Hey, un nouveau Expert. Follow de Mexpert Bound! Merci Bienvenue. Pour le follow! Bienvenue, petite pause. Puis, c'est ça, fait que moi, je voulais précommander le restaurant pour qu'il se load automatiquement pour que je le stream. Mais là, impossible de précommander. Tu sais, je trouve ça poche, hein, je capote. Mm-hmm. Back to Dandy qui dit « Comptes-tu le restreamer, mais pas mardi ni jeudi, j'ai des examens. » oui, c'est sûr que je vais le restreamer, j'ai adoré ça. C'est souvent mes streams d'après-midi. Ben relax, là, j'enfile une après-midi sur ça, puis je trippe au fond. Hé, on a Névrose! Salut, Névrose! Oh my God! Bienvenue, un fidèle. Puis c'est ça, fait que... ouais, pour finir, ce que j'ai de super important, guys, je sais pas si c'est tous les jeux de EA, là, mais les Sims, là, quand ils releasent un jeu, mettons, à une date précise, mettons le 5 juin, ça va être disponible le 5 juin à 1h de l'après-midi. Ah, parce que c'est pas l'heure du Canada? Non, c'est pas ça. Pas minuit. Hey, mec, Madirax, c'est ça? Merci pour le host. Oh non, c'est mec Dirac. Je pensais que le C c'est un A. OK. Wow! Puis, fait que c'est ça. Fait que, puis là, j'ai lu dans les forums que pour les Sims, c'est toujours disponible genre à 10 heures pacifiques, là, 10 heures le matin pacifique. Fait que pour nous, c'est 1 heure l'après-midi en tout cas. Fait que là, moi, j'étais comme, je capotais. Je me suis dit, oh non, ça y est. Tu sais, moi, mon origine, je sais pas pourquoi il s'est mis en français. Fait que là, je me suis dit, oh non, ça doit être genre en France, ils sortent telle date. Ah, si, je capotais, mais non, là, ça a l'air que c'est normal, là, pour les Sims. Tout ce qui est IA, je sais pas, là, mais les Sims, c'est le même. Fait que, en tout cas, fait que c'est ça. OK. Détente au spa, puis Dine Out, là, au restaurant, sont tous les deux le même prix. Taxes incluses en argent canadien, on parle de 20,99$. Détente au spa, j'ai été vraiment déçue. Hey, pourquoi? Merci Pomcroll pour le host! Pourquoi est-ce que ça t'a déçu? Parce que moi, j'étais habituée dans les Sims 3. Ben, tu sais, moi, je suis une fan. J'étais habituée dans les Sims 3. On avait. T'achetais un pack comme ça, là. T'avais un minimum de 5 coiffures différentes qui venaient. T'avais une dizaine de nouveaux vêtements masculins et féminins. T'avais. En plus d'avoir, comme mettons, le spa, là. En plus d'avoir les accessoires de spa, les bâtiments de spa, souvent t'avais une map de plus. Là, okay. J'ai eu un bâtiment de spa. Puis c'est tout. Puis. Okay. Ouais, ça pis... vaut pas ce que ça coûte, dans le fond. Non. Il devrait donner plus. Ouais, il devrait donner plus. Ou il devrait. Le détente au spa, je l'ai eu à rabais. À 15$ au lieu de 20, mais quand même. Il est quand même moins cher que les autres, au moins. Non, mais c'est un solde, là. Je l'ai magasiné, là. Je l'ai acheté. Mais okay. C'est ça. Mais comme Back to Nindy dit, pour 20$, par exemple, acheter... Moi, mettons, je conseillerais, là, acheter les Sims 4, puis le restaurant, puis le carrière, mettons. Si vous voulez vraiment acheter des expansions, là. Okay. Parce que le restaurant, là... Fait que... Ah, oh, Paradosi qui dit « Moi, avec, je l'ai acheté pour rien, déçu. » Bon, ben, tu vois, je suis pas toute seule, je suis contente, là. Ben, tu sais, surtout que on est habitué avec les Sims 3, tu sais. Fait que c'est ça qui push un peu, là. Mais c'est ça. Mais par exemple, pour le restaurant, là, tu sais, je veux vraiment en parler, là, c'est écœurant. Genre, tu peux construire ton propre restaurant, chose que je suis très mauvaise pour faire l'extérieur d'un restaurant. Après ça, hey, Nilexam! Merci pour le follow! Ouais! Ben, attends un peu, je pense qu'il est juste nouveau. Je pense pas que c'est un follow. Ah! Ah, puis je pense que c'est un. En tout cas, il a mis un lien dans le chat, là. Cliquez pas sur ça, là. Tapez, je vois le timeout, là. Pour pas que le monde clique sur ça, là. Do not touch! Ouais, c'est ça. Ben, Back to the India a raison. Dans le fond, ça aurait dû être un pack d'objets et non un pack là, de plus, là, parce que tu peux même pas... Tu sais, genre, tu peux même pas travailler au spa. Tu peux même pas... Non, tu peux rien faire, là. C'est genre, tu vas dans le spa, puis c'est tout. Tandis que le restaurant, qu'est-ce qui est le fun, c'est que dans les maps de base, t'as pas de restaurant anyway. Fait que tu pouvais pas planifier d'aller au restaurant avec des amis ou des choses comme ça. Fait que là, maintenant, t'as des restaurants. Tu peux le construire. Tu peux choisir ton menu, là. Tu choisis tous tes breuvages. Tu choisis toutes tes entrées. Tu choisis ton personnel, tu le gères vraiment à ta façon, c'est écœur, hein? Puis cool. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le détour pour ça, là, pour les fans des Sims. Là. Ça vaut la peine. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est mon résumé, là. Nice! Ouais. Puis, c'est ça. Puis en gros, là, ben moi, je donne un gros 9 sur 10. 9 sur 10, guys! Ouais. Ben, c'est à cause que aussi, là, il faut dire, les Sims 4, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Puis, normalement, là, si on était habitué aux Sims 3, là, une fois par mois, on avait un pack d'objets, on avait un pack de... Tu sais, on avait plein de packs. On avait full de contenu. On avait... Les Sims 3 venaient de base avec la famille, les sous-sols, les piscines creusées, la voiture. Ben oui. Tu sais, ils venaient de bon avec tout avant? Ça. Ben, c'est ça, les Sims 3. Dans les Sims 4, t'as pas de famille. Genre, quand t'as un enfant, là, c'est un jeune, genre, il a 8 ans. Il est assez vieux pour un enfant, là? Il y a pas, genre, le toddler qu'il y avait avant? Non, c'est ça, tu l'as plus après ça. Mais là, je pense qu'ils ont réglé ça parce qu'ils ont comme trop eu de plaintes Puis même quand tu avais des enfants au début, là, genre, le sim enfant, il y avait un bug, là, il était mal fait. Tu peux pas te déplacer non plus. Fait qu'à chaque fois que tu vas aller quelque part, là, c'est un lot. Tu dois prendre ton cellulaire, puis tu dois te dans le fond, te spawner quelque part. Tu peux pas vraiment. Non, tu sais, avant, là, dans les Sims, là, t'arrivais, là, puis genre, tu pouvais décider d'aller faire un jogging dans ton quartier. Là, tu peux pas. Tu sais, c'est vraiment là, limité. Puis là, ça fait 2 ans, puis c'est encore comme ça. On n'a pas les saisons, on n'a pas les animaux, on n'a pas la famille, on n'a pas l'université. Mm-hmm. Puis le monde, ils le disent, là. Genre, tu sais, la seule affaire qu'on a, c'est l'expansion nature, puis l'expansion carrière. Ça, c'est des grosses expansions qui sont comme 40$. Puis nature, là, genre, ça t'amène à une map de plus, là, puis tu peux faire du camping dans une tente. Ouais, j'ai vu un peu comme Quake l'affaire aussi jouer à ce jeu-là. Genre, c'est drôle, il y a un petit monsieur qui est déguisé en ours, puis il va faire la main. Fait que, bon, ben, tu t'es dit, est vraiment déçu qu'il n'y ait même pas de job à temps partiel. Mais non, c'est ça, là, c'est poche, là. Ben, tu sais, c'est super limité comme contenu, puis c'est vraiment bizarre qu'une compagnie arrive... te propose des Sims 3 qui étaient réalistes avec full de stock. Puis là, il te propose des Sims 4 qui est un petit peu cartoon. C'est pas si pire. T'sais, moi, j'aime bien ça, là, quand même. Mais c'est autre chose, mais j'aime quand même ça. Puis, avec du contenu de moins, t'es comme, ben voyons. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'ils changent un Sims, c'est toujours un changement qui est soit drastique, parce que quand j'ouvre Sims 1, j'étais full comme, tu sais, on voyait pas vraiment les personnages. Dans Sims 2, on pouvait tellement tout customiser les personnages, avoir des cheveux beaucoup plus réels. Quand on est tombé au 3, je trouvais que c'était encore trop cartoon comparé au 2. Mais je pense que c'est toujours un changement personnel. Ouais. Mais par exemple, personnellement, j'ai moins préféré. Ouais, mais par exemple, les Sims 4, ça, c'est vraiment cartoon. Même dans la construction, là. Ah ouais? Oui, c'est vraiment cartoon. C'est vraiment gentil. Tu peux étirer ta pièce. Là. Tu peux mettre ton corps partout ce que tu veux. Tu sais, avant, là, quand tu veux mettre un corps sur le mur, là, tu le mettais sur le mur, puis c'est lui qui décidait où il allait tout seul. Non, oh, ouais. Ah, Paradosi, il dit, moi, une seule chose que j'aime des Sims 4, c'est le menu. C'est vrai, le menu, il a changé. Moi, je sais pas. non, il est plus convivial. Puis aussi, là, les Sims 3, là, par exemple, là, moi, je l'ai au complet, les Sims 3. J'ai toutes les packs. Okay. J'ai tout. Puis, genre que ça me prenait... Moi, là, je me suis acheté mon PC. Tu sais, mon PC, il date, là, il y a 3 ou 4 ans. Là. Mm-hmm. Mais quand je l'ai acheté il y a 3 ou 4 ans, là, c'était... genre un ordinateur, ben c'est un ordinateur de gamer, là, on s'entend, là, genre il y a un système de refroidissement liquide, tu sais, dans le fond. Ouais, ben c'est ça, là, tu sais, je veux dire, moi je l'ai acheté, là, je jouais à toutes mes MMO à Ultra, là. OK. Puis, genre, j'avais du gros loading, là, dans les Sims 3, là. OK, ouais. T'sais, tandis que là, les Sims 4, c'est démocratisé, beaucoup plus de gens sont capables de le runner. C'est sûr, si t'achètes les Sims 3 de base avec aucune expansion, je veux dire, je suis d'accord. Mais, tu sais, il est beaucoup plus démocratisé dans le sens que... Les loadings. Parce que, tu sais, sérieusement, là, les gamers hardcore de PC, là, ils vont-tu se griller dans un PC à 3000$ pour jouer aux Sims? Pas pour les Sims. Tu sais, genre, tu te grilles dans un gros PC de même pour jouer à des gros jeux genre The Division sur PC, Witcher 3, tu sais, là, des gros jeux. Parce que moi, ces gros jeux-là... je vais les jouer sur console parce que justement, tu sais, je stream. Puis, no way que tu peux streamer, tu peux jouer à ce jeu-là dans ton PC puis en même temps le streamer, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est sûr, c'est comprenable. Fait que moi, c'est sûr, ces gros jeux-là, je vais aller les chercher sur console. Puis, je vais jouer aux jeux plus mild, là, avec. Mais regarde, je stream Overwatch, je stream les Sims 4 sur mon ordi en même temps, là, que de le streamer, puis que je joue. Puis, tu sais, j'ai une super belle qualité, là. Fait que mon ordi date, là. Fait que, tu sais, c'est quand même pas pire. Moi, je me concentre dans les jeux médium et, genre, les petits jeux Steam. Oh, ouais, ouais, ceux-là qui sont... Par exemple, les Battle Block Theater pis tout, là. Ouais, ben c'est ça. Ou, mettons, des jeux Telltale ou des jeux, tu sais, mettons, Orin the Blind Forest, Stardew Valley. Des petits jeux cute, dans le fond, là. Ben, c'est ça, là. Tu sais, ça se stream super bien. Ouais. Pis c'est ça, fait que... Ça dépend aussi de comment les jeux ont été adaptés, parce que, par exemple, on joue à The Forest, qui devrait pas nécessairement demander autant, puis qui va faire laguer autant que Par exemple, comme là, j'ai pas de nom en tête, mais par exemple, ben, un autre jeu qui est plus récent. Doom, The Forest, là, c'est parce qu'il est pas optimisé non plus, là. Ah, OK. Ouais, mais il est en bêta encore. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est toutes des choses aussi à prendre en compte, là. Ben, c'est comme Doom, là, il a surpris plusieurs personnes. Parce que, ouais, parce qu'il y a du monde, maintenant, ils sont habitués de streamer sur PC, puis ils ont acheté Doom sur PC, puis ils rushent à le streamer, genre. Ben, ouais. Pis pourtant, moi, je pensais que ça allait être pesant. C'est pour ça que je l'ai acheté sur console, j'ai fait « je prends pas de chance ». Ah non, c'est sûr, là. Puis c'est ça. Fait que sinon, moi, comment on se dit, expansion, whatever, de restaurant, j'y donne la note faramineuse de 9 sur 10. Puis c'est ça. Puis moi, j'ai fait mon petit restaurant, le piment absent, puis je le trouve full cool. Ah, c'est cute! Fait que, ouais. Fait que c'est ça. Nice! Toi, ton jeu que tu nous critiques... Ben, moi, c'est sûr et certain que je vais parler de Doom. Doom, c'est un jeu que j'adore. C'est un des premiers jeux que j'ai joué en étant jeune. Je me souviens des codes IDDQD, IDKFA. Oh, invincibilité, gun à l'infini. Genre, tu peux avoir n'importe quel gun. On s'entend que quand tu joues à 5 ans, c'est assez difficile puis c'est assez épeurant. Mais avec ça, on dirait que ça enlevait ma peur. Fait que j'ai un peu joué, par exemple, au précédent. C'est celui qu'il y avait avant, 3, 2, etc. Mais... moi, c'est le 1 là, qui était vraiment mon préféré. Là. Puis j'ai écouté, genre par exemple, le film. Je sais que le monde n'a pas trippé, mais moi, j'étais comme vraiment une fan de Doom. Donc, j'étais vraiment heureuse, en tout cas. Tout ça pour dire que depuis que le dernier est sorti, Doom sans titre, mais qui est normalement le 4, je pense. 4? Ben, à ce moment-là, ouais. À ce moment, je vous le dis, là, je l'adore. Je l'ai streamé quand il est sorti. J'ai attendu à minuit, puis j'ai zéro regretté. C'est un excellent défouloir. Je sais pas si tu as regardé un peu, toi. Je sais que c'est pas trop ton style de jeu, normalement. Là. Ben, je l'ai. T'as Doom? Ouais. Tu as-tu joué? Non. Ouais, c'est ça. j'ai genre un petit peu trop de jeux présentement, mais... parce que Doom, là, c'est vraiment du sang partout, là. Genre, t'arrives, là, puis tu prends le gun, puis t'es fait exploser, là. Ouais, mais j'ai pas pour faire de la pub au gars derrière de toi, là, mais moi, ça a donné que j'ai vu deux de ses streams, okay. Puis c'est ça, là. Genre, t'as des bizarres de finishers, genre, ces extraterrestres. Oh oui! Puis tout, là, chacun. Avec la scie mécanique, puis tout, là. Ça, c'est vraiment, ça me rappelle les anciens. Puis moi, comme je dis, c'est ça, c'est vraiment un gros défouloir. Il y a vraiment des ennemis qui spawnent de partout. Je vais avouer que moi, j'ai joué à la version à partir du normal, du mode normal. Il y en a aussi que j'ai joué au plus difficile, là, puis oublie ça, je serais jamais capable. Il compare ça même avec, je sais pas si tu connais Dark Souls. Il y en a qui disent que c'est aussi difficile, mais là, je suis comme « Oh, je m'essayerai pas trop, je veux pas rager. » Sinon, ce que j'aime beaucoup avec ça aussi, c'est que maintenant, il y a des snap maps. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est les snap maps? Avant de te répondre, on va remercier Madame Zoom pour le host! Merci, Madame Zoom, pour le host! Hey, puis Paradosi qui a level 1! GG, Paradosi! Tout en même temps! Donc, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'un snap map? Un matelas pour sniper du monde? Gentil dessus pour sniper. Le snap map, c'est le nouveau mode avec Doom. C'est-à-dire que tu peux créer tes propres maps. Donc, oui, on crée le en ligne que pas grand monde joue. Il est zéro populaire. Ben, c'est comme le en ligne d'Uncharted, non? Excuse-moi? C'est-tu comme le en ligne d'Uncharted? Comment que quoi en ligne? Oh, je sais pas, je l'ai pas vu Uncharted, j'ai pas joué en ligne. Fait que non, ce que je peux dire par exemple avec Doom, oui. C'est que justement, j'ai envoyé un lien dans le chat. Si vous voulez voir c'est quoi ça, c'est un des modes justement qu'il y a pour faire de la musique. Genre, il y a un piano, etc. C'est un autre utilisateur qui a créé ce mode-là. Vous pouvez faire plein de choses. C'est-à-dire, vous pouvez faire spawner des ennemis. Vous pouvez même créer les anciens modes, les anciens Doom. Il y a tout plein d'options. Puis c'est vraiment ça, d'après moi, qui va faire en sorte que Doom va continuer à être populaire malgré que le mode normal est terminé, le mode histoire. Puis malgré que le multiplayer, c'est pas le meilleur. Ça ressemble beaucoup... les gens disent que ça ressemble pas tant que ça à... au Doom, comment ça s'appelle? À quoi? À Doom? Non. Je parle, par exemple... Viens, j'ai oublié comment ça s'appelle. Le Doom, ça ressemble beaucoup à... Call of Duty? En tout cas, c'est le jeu en... C'est pas Uncharted, comment ça s'appelle? En tout cas, on s'en fout du blanc, là. Mais je trouve que c'est vraiment le mode en ligne. Les gens disent qu'il est pas égal pour tout le monde. Par contre, je me dis que tout le monde a les mêmes guns, tout le monde a les mêmes forces. Rendu là, je pense que c'est plus les skills de la personne. Mais ce jeu-là, c'est vraiment pour le mode single player, puis c'est vraiment pour le mode qui vient avec le snap map. Ce qui est cool aussi avec celui-là qu'il n'y a pas avec les autres, c'est qu'il y a des runes maintenant. Les runes vont faire en sorte que tu peux avoir des... par exemple, des forces de plus. Je vous envoie le lien dans le chat. Si vous voulez regarder, ça, c'est toutes les runes du jeu. Par exemple, pour pouvoir gagner... oh, OK, ça a plus l'air à marcher. Il l'avait la dernière fois, là. En tout cas. Fait que vous allez pouvoir voir sur Internet, écrivez runes puis doom. Vous allez voir les 47 runes qui sont là. Et ce qui est cool, c'est que ça peut donner, par exemple, de la force de plus, des petits trucs de plus. C'est pas un gros pourcentage, mais c'est toujours le fun à essayer de les récolter. Et une dernière chose que j'ai beaucoup appréciée du jeu, je vous envoie encore une fois le lien. C'est un lien YouTube, c'est une vidéo. C'est qu'il y a des secret rooms. C'est, je crois qu'il y en a dans tous les niveaux. Celui-là, par exemple, c'est un gros Easter egg parce que c'est vraiment comme l'ancien double. Vous rentrez comme dans un tableau, si vous avez votre gun actuel, mais avec des anciens, les anciens murs, etc. Fait que c'est vraiment un beau petit clin d'œil aux anciens. Pis sérieusement, là, il y a beaucoup, comme tu dis, je vais revenir à ce que je disais, Doom, c'est vraiment intense, intense, intense, intensité, la grosse musique en arrière, j'adore la musique, justement, qu'ils ont choisi, le soundtrack est excellent. C'est pour ça que moi, de mon côté, je donne au moins 9 sur 10, là. Ouh! Yes! Fait qu'on est content de nous... Ben, c'est sûr que, moi, personnellement, je suis plus portée à critiquer un jeu que j'ai aimé, là. Tu sais, quand un jeu nous laisse indifférents, je veux dire... Sinon, mettons qu'un jeu, c'est une arnaque, on va le mentionner aussi. Mais c'est le fun. Mais c'est le fun parce que, avec Doom, là, il aurait pu très bien faire genre, on se force pas parce que c'est sûr que le monde va l'acheter parce que ça s'appelle Doom. On voit qu'il a vraiment été fait avec amour. Là, le jeu que j'avais en tête, Unreal Tournament, moi, ça me rappelle ça. Puis Quake, c'est les deux jeux que ça me rappelle. Excuse-moi, c'est. J'étais comme un petit peu comme en train de dire « Oh non! » J'étais comme dans mon... dans mon histoire de qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Ça m'a comme... Ben, c'est ça que ça s'appelle un blanc. Ça nous arrive tout. C'est plus c'est qu'on le cherche, plus qu'on le trouve pas. Ouais. On y pense plus, puis ça nous revient. Puis moi, je pouvais genre zéro t'aider, parce que c'est pas des jeux que... C'est pas des jeux qui sont dans ma palette, là. Que, moi, je jouais à ça quand j'étais jeune. Donc, c'est pour ça qu'on dirait que ce style-là, là, j'adore. Ouais. C'est hot. C'est hot. Yes. Ouais. Puis, tu es une partie d'Overwatch aussi? Oui, il y a aussi Overwatch, mais toi aussi, tu y as joué un peu. Ouais, ben c'est ça, on va pas en parler, là, mais vas-y. Yes, je vais juste faire un petit... Moi, de mon côté, j'ai joué aussi à Overwatch. Encore une fois, ça, c'est beaucoup comparé à Team Fortress. Je sais, je parle beaucoup de comparaison, mais c'est plus facile pour les gens qui n'ont pas vu le jeu, parce que présentement, ils ont... C'est pas... D'après moi, tout le monde l'a vu, mais vous connaissez pas ça. Ça y ressemble beaucoup, c'est beaucoup comparé. Ben moi, c'est Team Fortress que je connais pas. Ah non! C'est comme, tu peux aller le télécharger sur Steam, c'est gratuit. Ah, ok, mon Dieu. C'est pour ça qu'il y avait gros du monde qui spéculait que Overwatch devrait être gratuit, probablement parce qu'il compare ça à Team Fortress, qui est gratuit. Ouais, et c'est sûr, il y a beaucoup plus de personnages, etc. Là, mais moi, je préfère Overwatch, j'ai pas accroché à Team Fortress. Hey! Enzo pour M'Expert lui adore Enzo. Ouais, moi, je suis vraiment... Je par exemple avec Zarya, moi, je joue beaucoup tank, OK? C'est sûr que j'ai d'autres personnages avec qui il faut jouer parce que tout dépendant quelle équipe on a, dans le côté à droite de l'écran, ça nous dit qu'est-ce qui manque pour pouvoir au moins essayer de balancer les teams. Mais souvent, je suis tank. Toi, je pense que t'es May, hein? Oui, May! Justement, comme on dit, faut-tu le cosplay? Oui! Ben, m'a dit honnêtement, là, si je la cosplay, ça va être en hiver parce que t'as-tu vu son Christy de manteau? Ouais, sinon, elle est à moitié tout nue, hein? Ouais, ça, c'est d'autres cosplays. Mais sinon, là, genre que, tu sais, mettons, tu sais, elle a des grosses bottes, des grosses affaires, fait que, tu sais, j'ai juste à me faire des covers, là, que je mets par-dessus mes vrais. Salut, Kira! Puis, ouais. Hey, salut, Kira! Puis, en passant, merci pour le host, il nous a hosté! Parce que sinon, aussi, ce qui est cool, je sais pas si toi, t'as hâte, est-ce que tu vas participer au mode plus compétitif dans les ranks? Ben, sérieux, je pense que tu m'as vu jouer, là. Ou tu vas juste jouer d'une façon, je sais pas, je pense que c'est vraiment un mode spécial, non? Ben, moi, je vais m'essayer, c'est sûr, mais honnêtement, okay. Là, tu sais, je veux dire, je suis pas bonne, là. Tu sais, j'ai 7 heures de jeu de fête à date, puis j'ai même pas eu jamais, genre, player of the game, là. Oh non! Non? Fait que, tu sais, je suis pas... Ça va venir un jour! mais tu sais, je veux dire... Moi, là, je vais donner un exemple. Moi, j'ai commencé... Quand j'ai joué à Witcher, j'ai joué à Witcher 3 en premier. Mm-hmm. Puis quand j'ai commencé à jouer, je me suis dit... C'est bien facile! Puis avec une phase vraiment retour de même. Puis j'étais comme... C'est vraiment facile, tu sais. C'est bien bizarre. Fait que moi, dans ma tête, le jeu était facile, tu sais. Ouais, mais plus que le monde arrive, hein, plus que c'est difficile, la compétition monte. Ouais, mais c'est ça que je pensais, mais en tout cas, pour Witcher. Fait que ça a fini que Witcher, je l'ai fait à cauchemar, OK? OK. Puis c'est vraiment mon genre de jeu. Fait que c'est pas que The Witcher, il était facile. C'est que c'est mon genre de jeu, puis je fit avec ce jeu-là. Overwatch, là, quand même que j'essaye, puis que j'essaye, puis que j'essaye, là... C'est pas un jeu qui est ton style d'avance. Non, fait qu'on dirait que mon cerveau, mes réflexes, mes automatismes, là, sont pas là. Fait que... ben, c'est comme, par exemple, si toi, tu joues, comme tu dis, dans RPG, puis MMO, etc., tu vas avoir plus de facilité à monter tes personnages. Moi, je suis zéro. Mais j'aime mieux, par exemple, essayer de viser sur quelqu'un d'un shooter. Là. C'est vraiment avec l'expérience aussi, je pense. Ouais, mais aussi, tu sais, c'est comme moi, je vais jouer... Je vais jouer... genre, mettons, je vais jouer Mercy, OK? Mais ben, moi, là, je viens de la scène MMO. Fait que là, moi, je me dis, comment ça, je suis healer, puis j'ai pas de bouclier, tu sais. Moi, je pète une coche. Trop insulté, là! Ben, tu sais, moi, c'est parce que moi, j'arrive de là, mais toi, t'arrives de Call of Duty, puis t'es comme, yeah! Puis là, tu sautes partout, tu recules, t'avances, ouais, moi, là. Moi, avec mon tank, là, je shoot partout, j'ai mon gros shield, je suis comme, envoyez, effacez-moi! C'est ça. Tandis qu'MMO, là, t'es lent, puis tu t'esquives, tu te déplaces, tu sais, c'est carrément autre chose. Puis le monde, ils me disent, c'est sûr que tu te fais tirer parce que tu bouges pas, t'es immobile. Mais moi, j'ai pas ce réflexe-là pendant tout, là. Fait que. Wow, One Up qui dit... Oh mon Dieu, One Up qui est Alliance! Ouais, hein? Yerk, crachons-lui dessus, non? Fait que... Ton mur sinon, est trop là, c'est ça le problème qu'Atlas... Ah, oh, ben, je sais pas, peut-être que c'est comme la seule partie qu'on a joué ensemble, t'aimais pas mon mur, mais honnêtement, là, c'est des moi, c'est les commentaires que j'ai. J'emmure pas ma team. Fait que c'est quand même pas pire, puis c'est rare que j'utilise mon mur. Je l'utilise peut-être deux fois dans une game, deux, trois fois. Mais dans le jeu, je voulais savoir, toi, est-ce que tu as eu des problèmes de balance d'équipe? Que tu voyais, genre, que les gros niveaux étaient l'autre côté, puis toi, t'avais tous les petits nouveaux. Ouais, ben moi, mettons, là, genre, dans ma team, là, on était toutes level 10. Il y avait un level 36, puis toute la team, au bord, était level 40. Puis là, le monde dans le chat, il me disait, ah, ben les levels dans Overwatch, ça veut rien dire. Yeah. C'est sûr que ça dépend. Il y en a qui disent que ça veut rien dire, mais tu sais que s'il est de level 50, il a sûrement eu le temps de perfectionner son personnage principal, tandis que si t'es un level 1, peut-être que t'essaies tes nouveaux persos. Ouais, mais c'est moi, je vois plus ça comme ça. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai 7 heures de jeu, je suis rendu level 14. Tu sais, fait que, tu sais, ça dépend, là. Puis ma première soirée, c'était du matchmaking personnel, là. Mm-hmm. Que tu prends pas de niveau. Fait que ça l'a pas été pris en compte, là. Ouais. Fait que dans le fond, sur 7 heures, fait qu'on va dire sur 5 heures, j'ai 14 niveaux. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas... Non. Ce que je trouvais cool aussi avec ça, c'est qu'il va toujours avoir de l'improvement face aux skins, puis aux personnages, c'est-à-dire aux vêtements des personnages, les déguisements, etc. Il paraît qu'il va toujours avoir de l'évolution. D'après moi, ça va être un peu comme League of Legends face à ça, tout le temps avec des nouveaux skins, etc., qu'on va pouvoir acheter. Fait que c'est vraiment cool qu'un jeu un peu plus shooter à long terme ait ça. Comme j'ai dit, il paraîtrait que, par exemple, je sais qu'il y a les tags, etc., qui sont reliés face à Team Fortress, mais je sais pas si dans Team Fortress, il y a des skins, mais je suis pas certaine. Mais c'est quand même ça qui va être cool, selon moi, l'évolution du jeu. Ouais, mais moi, par exemple, ce que je trouve plate un peu, c'est que dans Overwatch, là, exemple, moi, May, là, mon Dieu, Belly, il est dedans. Let's go, ta boire! Merci pour la hausse! Merci! Puis, mais c'est ça, c'est que moi, ce que j'ai remarqué, gang de solide, il est trop cool. En plus, Belly, il est avec la horde. J'en prends une gorgée. Mais moi, ce que j'ai remarqué, là, avec les skins puis Overwatch, c'est que moi, mettons, May, là, tu sais, je me suis pris d'affection pour elle, puis j'allais au bout, OK? Fait que, mettons que moi, ça m'aurait pas dérangé de payer 5$. OK, excuse, c'est Blizzard. Fait que eux autres, ils vont bien vendre un skin 25$, là. Fait que... Ouais, mais ce qui... Jusqu'à maintenant, on peut acheter avec l'argent du jeu. Ben, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça que je voulais dire. Tu peux pas acheter d'argent de jeu. La seule affaire que tu peux acheter, c'est des boîtes. C'est des kits de boîtes. Ouais. Fait que moi, mettons, mais c'est ma préférée, puis je veux avoir tel skin en particulier, puis ça me dérange pas de débourser de la vraie argent pour, parce que moi, je tripe ces MMO, puis des skins, je fais juste ma vie à acheter ça. Bon. Fait que c'est ça, mais je peux pas. Je peux pas. Faut que je joue pour unlocker des skins ou unlocker de l'argent, genre. C'est ça que moi, je trouve ça dommage. Cool. Moi, au contraire, je trouve ça cool. Parce que je me dis, au moins, peu importe ce que tu prends, ce qui est dans les boîtes, tu peux le gagner autant comme dans un... Tu peux gagner un skin là-dedans aussi, là. Puis c'est facile à se rendre à l'argent qu'il faut nécessaire pour pouvoir avoir le skin que tu veux. Bon, OK, clairement, je c'est pas un gros montant, là. OK, clairement, je suis vraiment pas assez bonne d'abord. Non, mais c'est vraiment, à force que tu montes de niveau, t'as des boîtes, puis t'as de l'argent dans les boîtes. Fait que ça monte très rapidement pour ça. Ben, sérieux, là, niveau 0 à 14, là, j'ai pogné deux fois de l'argent. Mais c'est quand même des gros montants, non? Je sais que je suis rendue niveau 20, okay, puis j'ai déjà presque... Je peux presque m'acheter le gros skin, là. Mais je le trouve vraiment laid, fait que je l'économise, là. Kira, genre moi, je pogne juste des icônes! Oh, pauvre petit! Ben, moi, j'ai pogné comme 400 skins. J'ai pogné un skin de Mercy. J'ai pogné un skin de Death Widow. Puis, c'est ça, là. Gigi. Hey, Gigi, level 12! Qui ça? Qui... Ah, ben oui, mon dieu, level 12, belle! Yeah! Yes! Yeah. Sinon, moi, c'est environ ça que j'avais à dire sur Overwatch. C'est vraiment un jeu que j'adore. C'est vraiment le fun. J'ai pas joué sur console, j'ai seulement joué sur ordinateur, donc je peux pas dire s'il y a vraiment une différence. Sinon, je sais qu'on... environ ça, hein? Ouais, ben, pis ben toi, tu donnes quelle note? Moi, je donne un 8.5 au moins. Ouais, moi aussi, moi aussi. Puis ouais. Moi, par exemple, je l'ai acheté sur PC aussi, puis je l'ai payé 54$ canadien. Puis je trouvais que la version, c'est-tu celle que t'as acheté toi aussi? Moi, j'ai pris celle-là de base. OK, c'est ça, à 54$? Oui. OK, parce que moi, là, je sais pas pour toi, là, mais moi, là, quand je suis arrivée pour l'acheter, genre que il faisait comme me forcer à acheter celle à 80$, là. Mm-hmm. Fait qu'il a vraiment fallu que j'aille dans le store de Blizzard, là, de Battle.net, là, dans le store vraiment. Là, j'ai fait recherche par jeu, puis là, par jeu, j'ai pris l'édition normale. Tu sais, pas moi. Ben moi, en tout cas, ça a fait ça. Ce qui était difficile à voir aussi, c'est que quand tu rentres pour aller chercher le jeu, normalement, c'est la grosse édition qui était là, mais en haut dans le coin, t'avais les deux autres choix d'édition qui étaient cachés. Mais moi non plus, au début, je l'avais pas vu. Ouais, mais moi, j'ai trouvé que c'était comme un petit peu de tôt pour, en tout cas. Ouais, c'est vrai, par exemple, c'était vraiment difficile à trouver. Fait que... Bon, Kira qui dit « Belé, il y a une semaine, moi, je jouais pas à Overwatch. » Quoi? OK. Mexperdam qui dit que lui, il va garder toutes ses boîtes à ouvrir en même temps pour une vidéo YouTube. Ça, c'est vraiment une bonne idée. C'est une bonne idée. Vraiment. Titanium, il dit que notre podcast, il est regardable. Après ça, il a écrit « C'est giga bon ». Fait que... Ah, c'est cool! Parce que Belé, t'es genre « Regardable! Je te juge! Juste ça! » Ben oui, puis en plus, il y a comme deux bonhommes pour le juger. Mais on dit Belé, il est dedans. Là. Belé, il est dans notre bord. Allez, Céd! Puis, c'est ça. Bon, là, tu jases, mais, hein? Céd, allô, allô! Même, mon Dieu, même Wisebot te dit allô, bienvenue. Fait que c'est ça. Puis, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça pour Overwatch. Puis, moi, qu'est-ce que j'aime quand même, c'est que, comme je disais, tu sais, moi, c'est pas mon truc, ben, je tire à la première personne, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui y jouent. Fait que ça, je trouve ça bien quand même, là. Mm-hmm. Parce qu'on dirait que c'est comme... Puis tout le monde trippe sur les couleurs. C'est le fait que tout le monde est happy, genre, dans le jeu. Tu sais, Teresa a un gros sourire, puis... Expert, lui, là, sur le PS4. Ouais, puis toutes les filles ont genre des dadass. Ouais! Mais c'est ça. Bon, level 5 pour Titanium. GG, Titanium! Ouais! Sinon, okay. Aussi, je sais que récemment, on avait un point là-dessus, face aux hackers. Ouais, ben c'est ça, là... C'est ça, tu veux-tu commencer? Ah oui. Okay. Moi, de mon côté, j'en ai pas trouvé vraiment des personnes qui pouvaient hacker. J'ai joué quand même beaucoup. J'ai pas vu beaucoup... Parce que comme je dis, moi, je joue puis je rage. Fait que peu importe si hacké ou non, je m'en rendrais sûrement pas compte parce que je serais sûrement en train de rager déjà. Sinon, ce qui est cool aussi avec ce jeu-là, c'est que normalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils bannent aussi à partir du IP. Puis même si t'ajoutes un nouveau jeu... Tu risques d'être banni aussi. Je sais que ça allait arriver, je crois, en Chine. Oui. Ça a comme... Puis, c'est quelque chose, d'après moi, que les autres compagnies devraient utiliser. C'est facile d'aller troller quelqu'un, niaiser, utiliser plein de hacks, puis dire « Ah, oh, je suis le meilleur, je tire au travers des murs, blablabla. » En tout cas, c'est un exemple. Puis finalement, s'acheter un nouveau compte, je sais qu'il perd tout, mais en tout cas... Sauf que là, ce qui est cool, c'est que ça bloque. Sauf que moi, ce que je me demande, si, admettons, la personne change son modem, admettons que j'appelle chez Vidéotron et je dis « OK, je voudrais changer de modem Internet ou chez Bell ou peu importe. » Est-ce que la personne serait encore, en s'achetant un nouveau compte, capable de pouvoir jouer ou ça serait encore banni? Avec des VPN, genre? Aussi, mais c'est parce qu'il y a comme deux... Il y a comme deux IP. Il y a celle-là où tu utilises, mais il y a celle-là directement à partir de ton modem. Puis d'après moi, eux bannent à partir du modem. Non, en tout cas. Ouais, ben, en tout cas. Ben, au moins, c'est déjà bon. Tu vois qu'ils sont vraiment sérieux parce qu'ils font ça sûrement à cause du e-sport, là. Puis, Blizzard sont vraiment big dans le e-sport. Ils prennent ça au sérieux. Fait que ça, moi, je trouve ça bon. Puis, moi, de mon côté, ça m'est arrivé dans une game. Mm-hmm. Puis, comme OneUp disait, genre, comment ça? T'as comme juste 30 minutes de jeu, puis t'as déjà eu des hackers, tu sais. Mm-hmm. Mais, j'avais regardé. Je le savais même pas. Puis, c'est que dans le fond, il y a un ami qui a partagé une vidéo d'un gars qui explique, genre, oui, il y a des hackers sur Overwatch, check, c'est le même qui procède, puis tout ça. Puis dans le fond, c'est que tu peux le savoir uniquement, parce que ça peut être retracé, parce que dans le fond, c'est des tirs au travers des murs. Fait que, tu sais, c'est quoi la différence entre te faire sniper puis avoir un tir à derrière les murs? Fait qu'il disait, tu reconnais par le fait que tu te fais sniper puis t'entends pas les pas. Ça, c'est pas normal parce que le jeu, il est fait en fonction que t'entends les pas quand t'as un ennemi. Genre, même un sniper, t'es supposé d'entendre, mais en tout cas. Puis aussi, le fait, c'est que quand t'as le kill cam, là, le replay, ben, tu vois la fucking balle qui passe au travers du mur. Comme, qu'est-ce que toi, je t'ai vu? Ben, c'est ça. Fait que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la personne, elle faisait un... elle tirait au travers du mur dans une certaine place, puis c'était juste en sortant de mon spawn. Fait que moi, fait que là, mettons, j'avais mon tank qui était tout seul dans le milieu. Mettons, nous autres, on a tout wipé. Puis là, on arrive pour sortir du spawn. Puis ton bonhomme, là, il est encore... Il se fait tirer qu'il est encore dans le spawn, genre. OK. Fait que là, t'es comme, what the fuck? Là, après ça, là tu recommences jusqu'à temps que tu te rends compte que, OK, non, c'est pas... Fait que là, t'essayes de switcher de place, mais... moi, en tout cas, je me souviens plus de la map, là, mais c'était une map que le spawn, t'as deux portes, là. Tu sais, tu sors en une même, t'as deux portes. Okay. Fait que c'était parallèle, là. Mais en tout cas, puis la game avait commencé correct. C'est vraiment à la fin qu'on dirait qu'ils ont fait genre, OK, fuck off, moi j'y tire tout. Puis on a perdu à cause de ça. C'est vraiment juste dans le dernier 5 minutes de la game, là. On pouvait même plus se rendre dans la map. Aucun de la team pouvait se rendre dans la map. Fait que moi, ça a été ma seule expérience, là. Donc, c'est vraiment check ce que Bélé dit. Ça a l'air aussi que si tu fais ban, ben ils vont bannir ton numéro de série de ton disque dur. Donc, c'est pas juste une question d'IP, en tout cas. Non. Puis ils font bien parce qu'il y a des gens... C'est juste pas pirater. C'est ça. C'est qu'il y a des gens en Asie, puis tout ça. Eux autres, là, c'est tellement big là-bas. Là, ils ont tellement gros à perdre là, que eux autres, ils vont en dépenser de l'argent et des stratégies pour ça. Puis Blizzard, là, ils ont tellement de ressources, puis ils veulent pas se laisser avoir là, pour ça. Là. Zéro, là. Fait que... C'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que ça fait le tour pour Overwatch. Ouais. Sinon... ah oui, moi, je voulais faire une petite mention que la compagnie de chaussures Vans va sortir des chaussures... Ben, en fait, ils sont déjà sortis aux États-Unis, dans les boutiques Journeys, puis dans le fond, chez Vans. Puis c'est une collection Nintendo et Vans. Fait que là, nice. La collection comprend, je pense, 5 ou 6 modèles de chaussures, autant pour enfants que pour adultes, avec plusieurs motifs, là, genre c'était écœurant, il y en a plein. Par exemple, faut pas que t'aies trop mal à la tête, là, parce que genre c'est Est-ce des que méchants, ça va seulement être à l'achat, par exemple, sur Internet ou c'est même dans les boutiques? Ben c'est ça, aux États-Unis, présentement, sont en vente au magasin Vans et dans les magasins Journeys et sur Internet. Puis là, je capotais parce que moi, je suis allée pour mes acheter sur Internet, puis ils ne shippent pas au Canada. Mais là, j'ai une amie qui elle a été demandée au Vans à Montréal. « Hey, mon troll, merci pour le follow! » Puis elle a été demandée, puis au Canada, ça s'en vient le 17 juin. Fait que dans le fond, ça s'en vient la semaine prochaine. Puis, fait que c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment excitée. Puis la collection comprend aussi des chaussettes, des casquettes, puis des sacs à dos. Fait que c'est vraiment le fun parce que, tu sais, des fois, mettons, t'es une fille, tu mets un petit sac à dos, puis tu mets un petit sac à dos, puis genre, ça fait comme ta sacoche, là, mettons. Là. Mettons, tu vas quelque part, tu vas dans un concert ou whatever, un show d'hier. Fait que, oh wow, le show d'hier, salut! Justement, c'est ça, on a mis comme one-up en arrière-plan pour faire diversion, pour que les gens viennent pour le voir en même temps. Tu sais, c'est comme un peu dans une foire, dans un cirque, là. Tu sais, la bébête bizarre qu'on laisse en arrière-plan, là. Ouais, tout à fait. Wow! Ouais. Oh mon Dieu! Je ne dis pas ça à voix haute. Ouais. Fait que c'est ça. Ça va être nice, ça va être à vérifier. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est sûr que je m'en achète une paire. C'est sûr et certain. J'ai une de mes amies qui s'est achetée la casquette. Elle est présentement à Las Vegas. Fait qu'elle s'est achetée la casquette. Elle est vraiment cool. Casquette de Peach. Fait que... Moi, je suis pas casquette, par exemple. Salut, Phoenix! Hey, t'as peur, t'es pas casquette? Peux pas en tout. T'as peur. Salut, zombie! Oh, le chaudière, m'inquiète pas, je le verrai moi aussi. Oh mon dieu, ouais. Là, tu vois pas à l'écran, là, mais je suis en train de montrer ma casquette. Oh my god, t'as une calotte de Jigglypuff. Ouais, t'as pu, je la mets. T'as pu. Ah oh non, j'ai encore le carton de. Bento de Valérie, bonsoir! Hey, salut! Le bento de Valérie! Ben oui! Elle fait des bentos parce qu'elle s'appelle Valérie. Elle a un beau blog. Allez la suivre. Cool! Ben oui, elle est super fine. Ah là, je la vois, ta calotte de. Ouais! De Jigglypuff. Waouh! Pis, hey, Zombie Mania qui est là, pis Phoenix. Yep. It's bad. Ouais, pis, One Up qui crie en arrière. Non, je sais, on l'entend depuis tantôt, chialer. Ben, c'est la première fois que je l'entends, moi. Ah, on l'entend. Ouais, là, je l'entends, là. Regarde. Allez, oui, ça va super bien, pis toi, Zombie? Hey, d'après, je vais continuer mon haul, OK? Mm-hmm. Il est en sol, il y a un tag jaune. Puis c'est un porte-monnaie de Dash. Moi, je sais pas, je suis moins Dash. Ah quoi, c'est quoi? Là, toi, t'as un autre poney préféré, peut-être? Non, j'ai juste pas de poney préféré. Hey, il est fou le coup, mon porte-monnaie! Je sais qu'il y a Kira qui va bien l'aimer, d'après moi, là. Oh mon dieu, t'aurais pu faire genre « Oh, il est cool! » »« Oh, mais, il est c'était... cool! » Quel naturel! C'était cœur, hein? Check-moi la prochaine fois, tu me montres de quoi que tu viens t'acheter. Ouais. Oh, Kira, il est tout content. Merci. Bon, Belly qui quitte la planète. Fait que... c'est ça. Phoenix, OneUp HCG, c'est le copain de Envy Gaming. Tu peux suivre sa chaîne également. Mm-hmm. Fait que... What you read my mind? Ouais. Je te frappe dans la nuque. OK, il y a un combat présentement dans le chat, tout le monde. Donc, c'est ça, c'est quoi que je disais? Ah oui, je parlais des casquettes. Des casquettes de c'est ça, là. Des casquettes. Fait que, ben c'est ça. Puis aussi, notre autre petite nouvelle, c'est concernant le troll sur Twitch. L'Australie. Oh my god! Je sais pas si les gens m'ont entendu parler! Ouais, on parle de l'article de Branchez-vous qui ont partagé. Ben en fait, on pourrait commencer par expliquer que quand t'es un streamer sur Twitch, la majorité, on a tout un bouton donation. Mm-hmm. Puis, quand quelqu'un te faisait un don, il y avait tout le temps une partie qui s'en allait pour Twitch Alert, puis une partie qui s'en allait pour PayPal, pour des frais, là, des frais de gestion totalement inutiles. En tout cas, là, on a uniquement les frais PayPal. Puis, quand tu reçois une transaction, quand tu fais une transaction avec PayPal, tu as 30 jours pour demander un remboursement par PayPal. Et quand tu demandes un remboursement par PayPal, PayPal te fait le remboursement, mais il impose un montant, je pense que c'est 1% du montant. Non, ça, je n'étais pas au courant, par exemple, qui imposait un pourcentage. Ouais. Fait que si, mettons, moi, Katliss, je te fais un don de 10$ à NBGaming, puis là, je demande un remboursement à PayPal. PayPal va me rembourser mon 10$, mais il va aller chercher 1% de frais de ta part. Il y a une certaine cote, là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'il y a des trolls qui avaient la bonne idée d'arriver de faire des dons, mettons, de 2000$. Ouais, Puis là, après ça, il annule. Fait que là, le streamer, il se ramasse à devoir encaisser le pourcentage, mettons, le 1% de frais de remboursement. Fait que là, dans le fond, en plus de ne pas avoir eu de dons du tout, il se ramasse avec les frais, là. Donc, c'est ça. Fait que là, il y a eu une nouvelle, si tu veux en parler. Oui. Ben justement, en effet, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un jeune troll s'amusait à donner des gros montants à tout plein de streamers. Je me souviens plus trop du montant. Est-ce que tu t'en souviens, toi? Ben, Legendary Léa, elle a eu 22 000. Ouais, fait que c'est vraiment... Il donnait vraiment des gros montants d'argent. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette journée-là, PayPal ont dit « Non, c'est dommage, on te rembourse pas. Ça a été fait, ça a été confirmé, t'es obligé de payer. » Enfin, pour une fois... Ça peut sauver les streamers si jamais PayPal continue à faire ça, parce que sinon, c'est chien. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en plus, la personne attendait 30 jours pour être certaine que dans le fond, le streamer ait déjà dépensé son argent. Donc, on peut plus rembourser une fois que c'est fait, là. Il attendait vraiment la date limite. J'étais comme, oh my God, tellement méchant. Mais tout ça pour dire qu'au moins 50 000 $ là, c'est beaucoup d'argent. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui va pouvoir sauver un peu les streamers si PayPal continue dans cette direction-là. Parce que c'est quelque chose qui est grave quand même, là. C'est vraiment... Je sais pas si ça peut être considéré comme de la fraude, mais rendu là, c'est vraiment pas cool, surtout quand c'est fait par exprès. Espérons que par la suite, ça va nous sauver. Il y a ça. Mais aussi, il y a une affaire qui arrive, c'est que Nous autres, au Canada ou au Québec, on est... je sais pas, en tout cas, je sais pas si on est protégé, mais comment est-ce que la loi fonctionne? C'est que tu peux pas transiger, genre... Si, mettons, là, moi, là, demain matin, je prends la carte de crédit de mes parents comme ce gars-là, puis je commence à faire des gros virements comme ça, là, genre... Ils sont supposés de t'appeler, ouais. Oui! Puis la carte de crédit, puis PayPal également. Fait que... Fait que, tu sais, il y a un fuck quelque part. Le gars, là, il est de l'Australie. Fait que là, on sait pas les lois en Australie. Puis c'est bizarre, mais il a juste fait ça à des streamers américains. Probablement parce que les trolls qui font ça savent que ça se passe, que c'est juste aux États-Unis que ça se passe, que ça, c'est permis. Parce que nous autres, en tout cas, ça, je peux dire au Québec, parce que moi, j'ai fait mes cours, en tout cas, de droit au Québec. Si tu reçois un montant, peu importe, PayPal, dans ton compte de banque, name it, qui dépasse 9 999, t'es gelé, t'es barré, le gouvernement y enquête, là. Ouais, t'sais, mais comme Phoenix dit, il dit le kid des mineurs, c'est les parents qui sont responsables, mais il paraît qu'il dit devant tout le monde que ses parents sont assez aisés puis qu'ils vont tout payer. Ouais, mais ben, c'est ça. Tu sais, il y a une affaire, il faut aussi avoir les moyens, dans le sens que moi, je peux prendre, moi j'ai accès à des cartes de crédit comme ça. Je veux dire, dans ma situation, que, en tout cas, j'en parlerai pas, là, mais j'ai accès à des cartes de crédit comme ça. Trop tard! Je pourrais le faire. Tu comprends? Puis, le gars, là, et puis il est pas mineur, il a 18 ans. Fait que ça dépend, là. Puis, l'Australie, c'est quand même fait partie. L'Australie, ils ont comme le même argent que nous. Fait que, tu sais, leur argent, là, il est pareil que nous. Là, il y a la reine, puis tout. Fait que, je sais pas s'ils ont les mêmes lois que nous, mais en tout cas, s'il est mineur. Mais, tu sais, ça n'a pas rapport, là, quand même. Parce que, de un, lui, il fait de la fraude envers ses parents. Parce que t'as pas le droit de prendre la carte de crédit qui a pas ton nom dessus. Puis de deux, tu sais, il fait de la fraude. En tout cas, tu sais, ça marche pas. Puis moi, je me souviens qu'elle laissait full money. Mais du Commonwealth. Ouais, merci, Kira! Puis l'Australie fait partie du Commonwealth avec nous autres. Fait que je sais pas si c'est les mêmes lois, mais nous autres, moi, je me souviens, là, à Radio Talbot, Denis Talbot, il avait reçu en une soirée, là, il avait reçu beaucoup de dons. Puis en une soirée, là, il avait reçu comme des 100 puis des 200 $, puis écoute, ça avait pas dépassé 5 000 $, là. Ben, son PayPal à Denis avait été bloqué un mois. Oh, il avait fallu qu'il appelle PayPal, puis PayPal voulait ses papiers officiels de compagnie, ses papiers officiels à lui, puis vu que ses papiers à Denis étaient en français, genre son passeport, whatever, là, ben, il a fallu qu'il les fasse traduire officiellement par un vrai traducteur, puis assez frais. C'est compliqué, puis, là. Oui, puis qu'il les envoie. Puis Denis, là, il avait même pas eu des dons de qui dépassaient, là, tu sais, on parle pas, là, de comme Legendary Léa, elle a eu 22 000 $, OK? Il a même pas eu, tu sais, il a même, c'était en bas du 10 000 $ légal, là. Puis PayPal l'a barré direct. Fait que il y a sûrement une faille aux États-Unis. Sûrement, à ce moment-là. Fait que c'est pour ça. Fait qu'en tout cas, moi, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de streamers qui sont comme, « Oh mon Dieu, moi, c'est ça, j'enlève mon piton de don, là, blablabla. » T'sais, ça n'a pas rapport, là. En tout cas. Puis il y a aussi, mais il y a le fait que tu peux refuser un don également, là. Dans le sens que si tu as quelqu'un de random, tu sais, je veux dire, moi, là, personnellement, je sais, en tout cas, ma fluctuation de dons sur ma chaîne qui est semi-minime et inexistante, là. S'il y a quelqu'un random qui arrive qui me donne 2 000 $ de don one shot, je vais comme faire... Non. What the fuck, tu sais? Ouais, je vais comme faire... Non, tu sais, écoute, là. Parce que ce moment-là, ils l'ont quand même accepté, là. Excuse, là, mais recevoir 22 000 $ en une soirée, là, il y a quelque chose. Des questions. Ouais. Imagine qu'un jour, c'est un vrai, genre, full nowhere, t'annules, puis t'apprends que quelqu'un d'autre l'a eu au Québec, genre. Ça ferait chier. Mais tu sais, si la personne... Ouais, c'est rare, là. Si la personne est prête à te donner 20 000 $ de dons en une soirée, là, elle est certainement prête à vouloir te parler, puis à vouloir faire un transfert bancaire dans les normes, là, puis etc., là. Tu sais, il y a ça aussi, là. C'est sûr. Okay. Ouais, mais comme le show, il dit, ça dépend si tu connais la personne. C'est sûr, mais comme, tu sais, ça fit avec ce que je viens de dire. Si la personne est assez hype de ton projet, puis elle veut te supporter à ce point-là, t'es capable de discuter avec elle en privé, puis de gérer des sommes de ce moment-là, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ou c'est sûr que t'as, la personne... Moi, personnellement, quand je fais des dons, j'aime ça faire des dons, j'aime ça la surprise, tu sais, c'est le party un peu quand tu fais un don, ça, c'est le fun. Mais après ça, tu sais, tu peux gérer ça après, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, un live, là, un stream, quand tu fais un stream, c'est un stream. Tu peux très bien le poser 2 secondes. Tu dis, OK, guys, c'est arrivé, faut que je processe ça. Break 5 minutes, je reviens. Tu sais? Puis là, tu parles avec la personne, tu sais, t'as dit pour voir. Puis souvent, là, moi, je regardais la vidéo, tu voyais Legendary Léa qui disait genre, « Hey, je savais pas t'es qui, oh mon Dieu, merci! » Tu sais, elle capotait. « Ben, yeah, tu sais pas c'est qui. » Fait que... C'est sûr. Et... c'est sûr! Bon, tout le monde dans le chat qui dit que le show du diable, il accepterait tout l'argent sans poser de questions. Mais... Moi aussi, je suis certaine qu'il l'accepterait. Mais comme je dis, il y a aucun mal à l'accepter, puis c'est super le fun. Mais je fais juste dire, quand la personne est prête à donner un gros montant, c'est parce qu'elle veut s'investir, fait tu sais, tu discutes, là. Fait tu sais, je veux dire, c'est correct. Ben, c'est sûr. Moi, je pense la même chose que toi là-dessus. Yeah! Mon troll aussi. C'est malade. Ouais! Puis sinon, ben, je pense que on n'avait pas d'autres nouvelles que ça, là. Avant de parler du E3. Nope! Parlons du E3. Y a-t-il du monde qui sont hype pour le E3? Yep. Moi, en tout cas, je le suis, puis je suis sûre que pas mal tout le chat aussi. Ouais! Par exemple, c'est de ça que j'ai discuté avec ma maman tantôt. Moi, il y a 2 ans, c'était mon E3. Il y avait mes jeux qui étaient annoncés. Écoute, je capotais à tous les jours, là, je travaillais. Mais mon patron n'était pas là. Fait que c'était assez tranquille. Fait que j'étais au travail, là, j'étais sur Twitch. Puis là, je mangeais mon petit déjeuner McDonald's parce que toutes les représentations... Ben, tu sais, toutes les grosses annonces étaient le matin, là. Puis là, j'étais là, puis... Puis là, je mangeais mon petit déjeuner McDo en regardant ça, puis là, je tripais au bout, là. Mais c'est ça. Mais cette année, par exemple, j'étais un peu... Tu sais, c'est pas... Je suis déçue parce que c'est pas dans mon bang de jeux, par exemple. Mais oh, je crois. C'est... Moi aussi, j'étais peut-être un petit peu déçue. Ah, c'est sûr que là, peut-être qu'on les voit pas toutes non plus, mais on va pouvoir voir... On a déjà une bonne partie qui est sortie, selon moi, face aux annonces, face à... etc., là. Puis, Ah, bon, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le E3... T'es bien nous, votant. Non, c'est pas vrai. On va le dire, c'est quoi? C'est une conférence qui se tient à Los Angeles le 12. Puis, ben, qui commence le 12 juin avec une conférence de EA, Electronic Arts. Dans le fond, c'est tous les gros studios. On a EA, on a Bethesda qui nous ont donné Elder Scrolls, Skyrim, Fallout. On a également Xbox, Ubisoft, Sony, Nintendo qui vont toutes faire le gros annonce pour l'année qui s'en vient. Fait que tout ce qui est de gamer chez nous, dans le fond, on veut savoir quand est-ce que nos jeux s'en viennent, on veut voir des images, on veut pleurer, on veut crier, on veut halluciner. Fait que c'est ça. Fait que Blados qui est maintenant un follower, merci! Merci! Puis c'est ça, Phoenix qui s'est fait dire, qui s'est fait dire, ben oui, mais c'est une joke, là, voyons donc. Fait que... Qui sait ce que veut dire le E3 ici? Ben, ça veut dire Electronic Entertainment Expo, genre E3. Ah, parce qu'il y a 3 E, Electronic Entertainment Expo. Ah, c'est marrant, je savais pas. Yep. Ouais. C'est le fun, on a eu un nouveau follow de Blados, mais on n'a pas eu un nouveau follow de Le Show du Homme. Ben, je sais que je vais de mon côté, Kira a dit qu'il y a trop de remasters. C'est sûr que pour l'instant... Ah ouais, c'est quel remaster qu'on a? Ouais. C'est sûr que si on regarde... Boom! Yes! Parce que c'est sûr que moi, ce que j'ai vu pour l'instant qu'il y avait comme... remake, j'ai vu qu'il y avait peut-être Skyrim. J'ai hâte de voir de mon côté, voir ça. Oh mon fou, ça, je crois pas à ça. Ça, c'est comme Zelda, j'y crois pas. Ouais. Ben sinon, c'est sûr que nous, on a fait de notre côté au moins le top 3. Donc on va... Regarde, mais oui, genre Skyrim HD! Skyrim HD. Tiens, est-ce que tu chiales, Katless? Mais hein, il est là sur le chat, puis il participe, puis il follow même pas. Fait que c'est ça. Mais nous, on a fait quand même notre top 3 de ce qu'on attend le plus de notre côté. Est-ce que tu veux commencer ou tu commences? On y va chacun notre tour ou on y va avec le 3, avec le 2, avec le 1? Non, il va comment? Oh mon Dieu! On n'attendra pas les réponses, il y a trop de délai. Ouais, je te le demande à toi. Oh mon Dieu, Kira qui dit que Skyrim HD, c'est fucking worthless. Ben, moi aussi, je pense ça. Wow! Ben moi, j'achèterais, là. Pas moi. C'est sûr que ça va venir avec, par exemple, ce qui a été fait comme mode sur ordinateur, mais en tout cas. Fait que tu commences ou je commence? Ah, mais vas-y. Ben, toi, t'as du visuel, parce que moi, dans le fond, mon top 3, il est comme assez boring, là. J'ai pas full visuel, fait que vas-y. OK. Ben, moi, je vais commencer avec mon troisième que j'attends en troisième place. C'est I Am Setsuna. Celui-là, c'est une exclusivité PS4. C'est un jeu que je crois, si je me trompe pas, qui est déjà sorti au Japon. Donc, ça va être nouveau, par exemple, ici. C'est un ramasteur. Non, ben non, c'est pas un ramasteur. Un peu comme... Fait qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'on est avec le personnage principal qui s'appelle Setsuna. C'est une jeune fille qui s'apprête à sacrifier pour sauver les habitants de son pays. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au travers de ça, il y a des méchants monstres qui font en sorte que pour les apaiser, on doit leur apporter quelqu'un à sacrifier. Sauf que, à ce moment-là, c'est vraiment bizarre. Mais ça me fait penser à Broken Age. Mais c'est pas partout la même affaire, parce que Broken Age, c'est comme un... Ouais, j'avoue, avec la petite bébite qu'il faut amener, là, en tout cas. Puis là, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils décident de sacrifier Setsuna, parce que là, les bébites, la bébite, en tout cas, qu'il faut normalement nourrir, a décidé de... C'est-tu elle qu'on voit sur l'image, là? Je la vois pas, là, mais... Ben, l'image que t'avais envoyée, là, Je vais juste finir l'histoire, là. Ah oui, vas-y. Fait que le monstre, un jour, il devient violent. Fait justement avant la saison de l'offrande. Donc, ils se dépêchent justement d'apaiser le monstre en sacrifiant Setsuna, qui est le personnage principal. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que, justement, ça, elle fait de la magie, parce que c'est sa mère qui a... C'est vraiment une descendante à ce moment-là. Elle peut voir des connexions invisibles aux yeux des gens ordinaires. J'en sais pas plus, honnêtement, parce que je l'ai pas encore essayé et pas encore sorti. Puis c'est japonais. Sinon, c'est justement, ouais, c'est un style JRPG. Puis si ça peut vous aider, savoir au moins comment sont les combats. C'est un combat inspiré dans le style de Chrono Trigger. C'est vraiment du tour par tour. Fait que ça, c'est vraiment un jeu qui semble cool, selon moi, qui va être à essayer. C'est mon troisième dans le top 3. Sur quelle console? PlayStation 4. Uniquement? Yep. Oh. Quand même. Merci, Zombie! Ouais, merci d'être venu! Oh, super podcast, c'est bien gentil. Est-ce que, dans le fond, c'est-tu toi qui continue avec le deuxième ou je continue avec mes trois? Ah, ben oui, on pourrait alterner. Yep. C'est quoi ton troisième? Moi, mon troisième, c'est... Voyons, il est où, mon... Là. Je sais pas pour la PS Vita, mais je suis certaine qu'il disait pour la PS4. Je pensais même que c'était une exclusivité PS4. Ouais, ben, je sais pas, mais Neo Zilum, il disait qu'il était sorti sur PSN, genre. Oh, Steam en Europe. En tout cas, rendu là, je sais qu'il est pour la PS4. Fait que, c'est ça, fait que... Puis, moi, mon numéro 3, dans le fond... PS Vita, c'est seulement au Japon. OK. Mm-hmm. Ben, comme tous les jeux hyper japonais, c'est tout mêlé, puis on est tout mêlé. Ouais. En restant dans les jeux hyper japonais tout mêlé, moi, mon numéro 3 que j'attends, c'est... voyons. Final Fantasy, c'est un chiffre romain, fait que pardonnez-moi. Wow! XV ou 15? Ça, c'est 15. OK. Fait que moi, c'est ça. C'est que dans le fond, j'ai jamais joué de ma vie à un Final Fantasy, vous pouvez me tirer des roches. Puis, parce que moi, là... La bidon, là. Moi... Non, c'est pas vrai. Mm-hmm. C'est que j'ai bien la misère avec les tours par tour, les RPG tours par tour, parce que je suis pas assez patiente. Parce que, tu sais, il faut tout que tu sélectionnes tes attaques, puis après ça... Tu pèses, puis là, t'attends, puis t'es voix faire. Je trouve ça super poche. Je n'aime pas ça, c'est pas pour moi, pas en tout. Fait que les Final Fantasy m'ont jamais attiré à cause de ça. Le Final Fantasy XV, il est pas comme ça. Il est considéré comme étant tour par tour, là, mais... En tout cas, moi, ça me dérange pas, là, parce que... Dans ma tête, là, si je peux contrôler mon bonhomme, là, puis peser sur A, là, pour qu'il prenne son épée, puis qu'il fasse psh, psh, psh, ça fait mon affaire. Mm-hmm. Puis... Honnêtement, là. Puis c'est ça. Puis Sony ont fait... j'allais dire récemment, ça fait quoi? Ça fait un mois ou deux qu'ils ont fait une grosse... un gros lancement pour ce jeu-là, là, une grosse conférence. Mm-hmm. Puis moi, c'est là que ça m'a beaucoup attirée. C'est là que je me suis dit, OK, c'est là que je me lance. Fait que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le E3 va nous proposer par rapport à ça. Parce qu'ils sont bien bons... Square Enix pour nous montrer plein de démos puis nous faire plein d'affaires sans, tu sais, en nous faisant attendre, là, si on parle du Final Fantasy VII, je pense, là, que ça fait comme 15 ans qu'ils disent qu'ils travaillent dessus, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est mon numéro 3. J'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos, j'ai pas rien parce que il a été comme surmontré puis surparlé. Fait que, tu sais, tout le monde le connaît, là, principalement. Fait que je me disais, on va spare ça un peu, là. Fait que c'est ça. Puis Neo, à l'heure, était vraiment intéressée par Final Fantasy XV. Puis Paradoxy qui revient du Tim Hortons, quand même. après ça... OK, le 13 qui est assez... Neo, il dit que le 13 est assez Dynamique pour le tour par tour. Ben, c'est ça. Moi, je me trompe, là. Final Fantasy XIII, c'est-tu lui avec Lightning? Écoute, honnêtement, j'ai joué à ceux qui sont Tactics Advance qui étaient sur le DS. J'ai joué aux anciens qui étaient au Game Boy Color. Puis j'ai joué aussi celui avec Light. Fait que c'est les derniers que je me rappelle. Je suis pas vraiment Final Ah, ok. Fantasy, là. Ah, ok. Bon, mais c'est ça. Fait que tu veux y aller avec ton numéro 2? Yep. Donc, moi, mon numéro 2, c'est Horizon Zero Dawn. Justement, Neo qui me l'avait envoyé. Puis qui me disait, hey, check ça va être hype, ça va être cool. Ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que c'est vraiment un monde ouvert, post-apocalyptique. C'est avec des créatures qui vont être mécanisées. Justement, regardez sur l'image, vous allez voir que le personnage principal, c'est elle avec l'arc. Et on doit essayer de se défendre contre ces grosses bibites-là. Notre personnage principal, elle, c'est une chasseuse-cueilleuse. Puis elle est vraiment. Faut vraiment, par exemple, utiliser sa. C'est pas quelqu'un qui va être vraiment musclé, etc. C'est quelqu'un qui a de la vitesse, qui a de l'intelligence, etc. Parce que c'est une chasseuse-cueilleuse. Donc, Accueil. avec ça, ce qui va être cool aussi, ça va être vraiment sur la vitesse, etc. Puis il va avoir vraiment. En vrai, c'est de faire en sorte que les bibites tuent pas. Excuse-moi, je vais recommencer avec les bébés, tu sais pas. Non. C'est que c'est vraiment face à des histoires avec des civilisations, il va y avoir des artefacts, etc. Plus qu'on avance, plus qu'on en apprend sur les technologies, justement, de la bibitte en tant que telle, etc. Puis avec ça, ce qui est cool aussi, c'est sûr qu'on n'en sait pas extrêmement, extrêmement. Mais ce qu'on sait maintenant, jusqu'à maintenant aussi, c'est qu'il va même y avoir le système de météo, jour et nuit, etc. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être, comme je disais plus tôt, vraiment un monde ouvert où est-ce qu'on va pouvoir avoir des changements, etc. Mais. Ça va être vraiment quelque chose que j'attends. J'ai hâte de voir la carte. J'ai hâte de voir. Parce que moi, là, jusqu'à présent, je regarde ça, OK? Je me suis mélangée avec d'autres jeux. Puis je trouve même que ça ressemble beaucoup au jeu de Far Cry. Parce que je Oui. sais que c'est dans la même époque, un peu. Mais on dirait une map ouverte, essayer de se défendre. On dirait que les gens essaient de revenir plus dans la préhistoire. Parce que je sais qu'il y a un troisième jeu, justement, qui est encore une fois avec le temps de la préhistoire. Mais ça, c'est comme futuriste en même temps, en tout cas. J'ai bien hâte de voir ça parce qu'on dirait que ça mélange plusieurs genres en plus. Puis, je suis assez certaine que ça va être un bon jeu. Puis, je suis sûre que Néo va dire la même chose que nous. Ouais. Ben moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment que c'est un personnage féminin qui est assez fort. Puis ça a l'air vraiment le fun. Puis les bébites, c'est bizarre, c'est des robots. T'sais, au début, je me disais, c'est-tu des mécas? T'sais, ça pourrait être intéressant, t'sais, mais là, dans le trailer, dans le fond, le personnage, elle les chasse vraiment, vraiment, là. Puis elle a l'air à vouloir recueillir certaines parties. Puis c'est ça. Fait que. Ouais, Néo, il dit Peut-être c'est qu'on va vraiment. builder des choses aussi avec les restes. J'ai hâte de voir. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il va sûrement avoir du crafting, puis tout. Puis Néo, il dit, c'est un jeu d'action avec genre RPG, puis il dit qu'il a hâte. Mais c'est ça. Fait que, par exemple, si je me souviens bien, il me semble qu'ils en ont parlé également au 3 l'année passée, mais je pense que. Oui, il en avait parlé au E3 l'année passée. C'est juste que Ouais. là, ils vont en reparler. J'imagine qu'il va y avoir plus de détails encore. Genre la date? Parce que qu'est-ce qui m'avait vraiment marqué du E3 l'année passée, c'était les annonces du prochain E3 que Horizon Zero Dawn faisait partie. Fait que là, je me dis, si encore cette année, ils nous redisent pas les dates, pis tout, t'es comme, genre, fuck you, là. Fait que ça m'énerve un peu, là. C'est quoi toi ton numéro 2? Fait que, ouais. Moi, mon numéro 2, c'est. Ah oui, c'est mes. Hey, Gen Kenobi! Merci pour le follow, c'est gentil! Merci pour le follow! Yeah! Moi, c'est. J'ai mis. Ok, ça m'étonne. Ok, ben, mon numéro 2, c'est. Battlefield. What? Mon Dieu, je m'étouffe. Puis, moi, c'est Battlefield 1. Puis, j'ai jamais joué à un Battlefield de ma vie. J'ai même jamais vu de gameplay de Battlefield. C'est juste que quand j'ai vu le gameplay, moi, je me suis mis à capoter ben raide. Puis, j'ai trippé ben raide, là. Puis, Merci Blados. ça m'a fait capoter. Puis, dans le fond, Battlefield est prévu pour. Il a quand même été annoncé. Fait que, tu sais, je me demande. Parce que je sais que Battlefield va être jouable au E3 pour les gens qui y sont. Fait que c'est quand même bon. Ça veut dire que le jeu est comme assez fini. Il est prévu pour. Sa sortie est prévue pour le 21 octobre sur toutes les plateformes. Fait que moi, j'ai bien des espoirs. Par exemple, j'ai entendu dire que Electronic Arts le sortait en même temps, dans la même semaine que Titanfall, qu'est-ce que je trouve vraiment. Le Titanfall 2. Qu'est-ce que je trouve un petit peu bizarre, là, mais... Puis il va avoir 4 classes, mais comme je dis, moi, je connais pas les anciens Battlefield, fait que ça, je le sais pas, là. Les autres aussi, il y en avait. OK. T'as assaut, médic, support, puis... Ouais, médic et tout, là. OK, c'est bon. Fait que ça, je savais pas, par exemple, mm-hmm. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est quand même assez... assez intéressant. Oh, puis... The Last Guardian, excuse-moi. Il y a raison là-dessus, c'est une bonne idée. De quoi? Dans le top. Le top anneau, The Last Guardian, FF15, puis Persona 5. Oh, The Last Guardian, j'avais pas pensé. Ben, Persona, je l'ai pas vu. Puis Last Guardian, je l'ai pas vu non plus parce que moi, il est dans ma liste, là. Il m'intéresse énormément, Last Guardian. Last Guardian. Puis la petite bobite, elle m'intéresse. Ouais. Puis aussi, rapidement, pour ton Battlefield, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'enfin, ils ont écouté les fans. Parce que les fans sont tannés du futur. Faites juste regarder la vidéo, par exemple, de Call of Duty, là. Hein, c'est assez futuriste. Y a-tu pas assez de hate là-dessus? Ouais. Fait que là, ce qui est cool, c'est que ça va un peu dans le passé, même si on dirait qu'il est quand même un peu futuriste. C'est-à-dire que si on regarde les armes, etc., oui, ça ressemble à des armes du passé, mais on dirait avec un peu plus d'imagination, qu'on peut dire. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le vrai jeu, par contre, parce que jusqu'à maintenant, on a seulement vu que la vidéo. J'ai pas trouvé de gameplay. Ça, j'ai hâte de voir. Ben, c'est ça, là. Là, le 3 va nous fournir des gameplays. Fait que ça va vraiment être assez. Mais c'est ça. Fait que, mes gars, je vais mettre la vidéo. The Gears of Wars. Puis là, je sais pas, là. Si on va voir ça, c'est mon top 1. Ah, excuse. Je veux dire, je voulais mettre la vidéo de Battlefield. Wow! Ça, c'est son top 2. Ouais, ben c'est ça, parce qu'on avait pas fini de parler de Battlefield. C'est moi qui me suis trompée avec Gears of War. Parce que... Red Dead Redemption 2, ça, c'est vrai. Le quoi? Oh, Red Dead Redemption, mon Dieu. C'est nice, ça. Quand même. Fait que c'est ça, fait que je vais mettre le... Bon, t'as peu, là, t'es comme... Fait que je vais mettre le vidéo... Puis là, par exemple, guys, j'ai aucune idée si on a du son, OK? Fait que vous me direz si on a du son, OK? Come on! Go! Okay. J'y vais! Non, on n'a pas de son. Ou il est pas assez loin. Play it first on Xbox One with EA Access. OK. Grosse pub de Xbox One après, là. Mais c'est ça. Fait que, en tout cas, en espérant que le monde ont eu... le son, là. Je sais pas. Vous l'avez-tu? Oui, ils l'ont dit. Ah oui, moi, la musique dans ce trailer m'excite. OK, si Neo, il est excité, ça va. Belly, il se recte. Il y a du son, OK. Ah, ça. Du gaz moutarde! Sérieux. Du gaz moutarde, moi, ça me... Fait que... Puis, par exemple, ouais, ben là, Belly, il parle de l'édition de luxe de Battlefield 1, qui est assez dispendieuse, mais elle te donne l'opportunité de jouer à 2 reprises en avance. Fait que, c'est ça. Bon, puis Nevrose qui mentionne que Neo est toujours excité. Ça, c'est très intéressant. Mm-hmm. Puis, c'est ça. Ah, oh, Tom Gamers qui dit qu'il a annoncé le trailer de Watch Dogs. Oui, justement, je l'ai mis sur ma page Facebook. Puis les gens, jusqu'à maintenant, disent que le trailer est bon. Ça a l'air cool, sauf qu'ils ont eu de la difficulté avec le premier, donc ils vont sûrement attendre que le 2 soit en spécial avant de l'acheter. Ouais. Ouais. Toi, ils m'ont maudit. Bon, belé ça. C'est drôle. Sinon, est-ce qu'il y avait d'autres points sur Bab, là, sur ton Non, c'est ça, mais je pense que ça fait le tour. Personnellement, moi, je suis pas quelqu'un qui précommande. Je suis pas quelqu'un non plus. Moi, là, ce trailer-là, il m'a énormément attiré. La musique, tu sais, tout le monde dans le chat en parle, la musique était écœurante. Par exemple, tu sais, moi, c'est sûr, je veux voir du gameplay, je veux voir ça. Tu sais, je suis pas du genre... Il y a beaucoup de monde qui, pendant le E3, vont précommander beaucoup de jeux. Mm-hmm. Tu sais, parce que souvent, t'as des rabais, t'as des soldes, puis tout. Moi, je suis pas comme ça. Je sais pas si toi, tu le fais, là. Ça dépend. Ça dépend lequel. OK. Ça dépend qu'est-ce qu'ils viennent avec. Ça dépend c'est quoi qu'on précommande. Des fois, il y en a qui ça vaut la peine, mais d'autres que j'aime mieux attendre puis que je paye pas les taxes sur le PlayStation Plus, mettons, là. Avec le PlayStation en ligne, là. Ouais. Yep. Fait que c'est ça. Bon, fait que tu peux y aller avec ton top 1! Yep. Donc, moi, mon top 1, c'est Gears of War 4. C'est un exclusif au Xbox. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec celui-là? C'est qu'après avoir échappé, dans le fond, contre l'attaque à leur village, J.D. Phoenix pis ses amis Kate et Dale, ils doivent retourner pour porter secours à leurs êtres chers et découvrir les origines d'un monstrueux nouvel ennemi. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est qu'encore une fois, il va y avoir de la coop locale. Il va y avoir des nouvelles techniques aussi de combats rapprochés. Il va y avoir même des combats au couteau, etc. Ce qui est très populaire aussi, c'est qu'il va y avoir, bien, qu'on a entendu beaucoup parler jusqu'à maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas au courant de tout encore, il y a juste eu un peu le multi qu'on a pu voir en ligne. Sauf qu'il y a deux nouvelles armes qui sont assez populaires, que les gens en parlent beaucoup présentement. Il y a celle qui s'appelle la Boss Kill, c'est une scie circulaire qui revole un peu partout sur les murs. Faut que tu fasses attention parce que si ça te touche, ça te fait mal. Puis la Drop Shot, OK? Moi, honnêtement, je t'en ai parlé un peu tantôt, là. La Drop Shot, c'est celle que j'adore le plus. Ce qui se passe, c'est que, dans le fond, ça remplace celle qui est la Dagger Launcher, celle-là qui était dans le troisième opus. Avec ça ici, c'est qu'il tire des mines, ça flotte sur le terrain en ligne droite, OK, tant que tu tiens le bouton. Une fois que t'as l'âge, ça spinne vraiment partout. Puis une fois que ça touche par terre, ça explose les ennemis en miettes. Sinon, tu peux même tirer directement sur l'ennemi, ça va directement driller dans leur tête, ça les décapite pendant que leur corps convulse, puis ça l'explose. Fait que c'est vraiment des armes de mon côté qui semblent assez intéressantes face à ce que je m'attendais. Tu sais, habituellement, il me semble que c'est pas aussi intense que ça. C'est sûr que c'est intense avec les six mécaniques et tout, mais je sais pas, j'ai bien hâte de voir ces nouvelles armes-là. J'ai aussi un petit négatif, par exemple, face à ça. Il paraîtrait que les graphiques, c'était pas les plus beaux du monde, mais les réalisateurs retravaillent dessus depuis un certain temps. On peut même voir la différence au mois de mai, justement. Il y a des gens qui l'ont essayé et qui ont dit « Regardez, il y a une énorme différence face au visuel. » Au moins, on a la preuve que les réalisateurs, etc., retravaille dessus, nous écoute. Sinon, si vous voulez voir aussi, je trouve que la vidéo est vraiment intense. Moi, c'est la vidéo de celui-là que j'ai décidé de vous présenter. OK! Ouais, vidéo hype! OK, fait 1, 2, 3, go! My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly left its scenes while I was sleeping. On est de retour! Ouais, juste avec la vidéo, là, ça me donne encore plus le goût de l'acheter. Puis j'ai une petite chose aussi à dire rapidement, j'ai été voir un petit peu de gameplay sur Internet. Les anciens me faisaient beaucoup plus penser à des Resident Evil 5. Personnellement, tu sais, je veux dire, quand je l'ai vu, quand j'ai joué, je sais que c'est pas la même chose, mais j'ai eu comme un petit souvenir de ça. Tandis que les nouveaux me font beaucoup plus penser au type de Last of Us. Je parle des décors, etc. C'est beaucoup plus sombre. On dirait qu'ils vont plus axer sur les monstres que les autres. Mais encore une fois, ça, c'est mon idée personnelle à moi. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je m'étais mutée. Moi, personnellement, là, dans le fond, j'ai jamais joué à Gears of War de ma vie. Puis j'avoue que l'aspect... l'aspect émotionnel là, du trailer, je veux dire, il m'interpelle. Moi, je pense que c'est sûr qu'il va interpeller tout le monde. C'est vrai que les graphiques, ils ont l'air assez cartoon, ils ont l'air assez... Moi, j'ai regardé ça, mon premier réflexe, je me suis dit, OK, on dirait un PlayStation 3, là. Fait que, tu sais... Les anciens, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que je... On dirait... Tu sais, j'ai Gears of Wars, là. Tu sais, quand t'achetais un Xbox, là, t'avais Gears of Wars. Ouais, il venait avec. C'est ça. Ben, dans le fond, c'est mon père qui l'a acheté. Fait que... Puis, mm-hmm. puis moi, sérieusement, c'est juste ça que je connais de Gears of Wars. Fait que, sérieux, on dirait que c'est le même jeu. Puis, quand que mon père a acheté le Xbox en décembre, je pensais même... Tu sais, je savais qu'il y avait un nouveau Gears of Wars qui s'en venait, puis je pensais que c'était le nouveau, là. T'sais, parce que ouais. ça concordait avec les images que j'avais vues. Fait que tu sais, il y a cet aspect-là. Au moins, mais... ils travaillent dessus, puis ça, je trouve que c'est un gros c'est plus. C'est ça, hein. C'est ça. Ouais. Ça, c'est bon. Puis écouter les gens. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui on dirait qu'il y a beaucoup de compagnies que maintenant, ils décident de repousser leur... malgré des menaces de mort, comme certains ont pu recevoir, là, mais il y en a qui vont décider de repousser la date de lancement quand ils voient que... Que c'est ça. Fait que, ben sinon, moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Je vais y porter attention. Puis, même si je ne me l'achète pas, c'est sûr que je vais porter attention pour des streams. Fait que, mettons, moi, je ne me l'achète pas, mais si toi, tu le stream, ben, je vais peut-être comme venir à chacun de tes streams pour voir le jeu. Pour voir au moins l'histoire, là. C'est ça. C'est pas au moins... point de l'acheter, mais t'aimes quand même, t'es curieuse de l'histoire. Là. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mm. Puis, sinon, Néo qui nous fait part de son amour pour les vidéos dans les podcasts. Ah, c'est une bonne idée, les vidéos. Yes! Ouais. Par exemple, je me doute d'où ça vient, là, mais en tout cas... De quoi, d'où ça vient, genre? Il savait même pas non! que je voulais en mettre. Non! Oh! Nope. Mon Dieu! J'ai juste parlé à Dub, j'ai dit « T'aimerais-tu ça des vidéos, toi? » Ben oui. Ben, dit, moi, c'est ouais! ça. J'aime ça, mais j'aime pas ça quand il y en a trop non plus, hein. Mais... Fait que c'est ça. Fait que... Général Oun, bonsoir! Bonsoir! Fait que c'est ça, puis... Oh! Toriel, qui pensait qu'au début, on parlait de Guild Wars et non de Gears of War. Moi, c'était la même affaire. Moi, je suis une très grande fan de Guild Wars et Guild Wars 2. Puis, j'étais au EB Games. En tout cas, ça fait super, super longtemps. Ça fait des années. Puis là, mon ami, il achète Gears of Wars. Puis là, je suis comme... Ouais, mais c'est Guild Wars. Ça se fait sur console aussi. Hein? Tu sais, je comprenais rien, là. Oui. Puis... c'est pas la même chose. Puis t'as raison en passant, Thomas Gamer. Est-ce que tu l'avais vu, toi? Ceux de No Man's Sky, vu qu'ils ont encore reporté, il y a eu des menaces de mort. C'est de ça que je parlais, le gars, c'est des menaces de mort. Hey, écoute, No Man's Sky, c'est un jeu indépendant. Alors, en tout cas, certains vont s'obstiner sur le fait qu'il est indépendant, mais en tout cas, c'est un jeu qui est fait par un gars. C'est un gars qui l'a sur ses épaules, ce jeu-là. Le monde va y envoyer des menaces de mort en privé puis en public. C'est carrément ridicule. Le monde devrait être content, là. Moi, je trouve que oui, parce qu'ils vont prendre encore plus de temps pour travailler dessus, puis ils prennent les critiques, etc. C'est un gros jeu, là. C'est pas une petite chose, là. C'est un fucking huge monde ouvert. Mmh. Ah non, c'est ça. Puis moi, je trouve que le monde devrait avoir du respect pour des gens qui prennent le temps d'en mettre quelque chose. Moi, sérieusement, ça me déçoit pas. Moi, quelque chose qui m'a un peu... je sais pas, en tout cas, comment... Ça m'a pas déçu, ça m'a pas frustré, là. J'ai pas le mot pour ça. C'est Uncharted 4. Il a comme été repoussé deux fois. Ah, ça, j'étais pas au courant. Ouais. Genre, il était annoncé... je me souviens même plus quelle date là, qui était annoncée. Mettons, je vais dire n'importe quoi. Il était annoncé, mettons, pour le 1er mai. OK. Là, il le repousse au 12 mai. Écoute, tant que c'est pas comme Diablo, là... ouais, non, je sais. Mais puis là, le lendemain, il annonce qu'il le repousse le 20 mai. Là, t'es comme, gars, branche-toi, là. Repousse-le dans un mois, mais qu'un ne pue, là, tu sais. Mais moi, ça me dérangeait pas, là. Bon, ben là, il est hype pour No Man's Sky. Oh oui, ça va être vraiment cool. Ah, j'ai Zelda, ouais. C'est ouais, c'est ça. T'as rien qui parle de Zelda ou le Final Fantasy, je pense que c'est Final Fantasy 7, là, qui arrête pas de dire qu'ils vont faire un remake, puis qu'ils disent que là, le remake, ça fait des années qu'il est en branle, ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Fait que... Ouais, c'est ça, Néo qui dit, on peut compter sur Néo pour les fax, il dit que Uncharted 4, il est prévu pour l'hiver 2016, après ça, ça a été mars, puis après ça, ça a été fin avril, puis après ça, ça a été mi-mai. Au moins, il est sorti. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire? Les gens sont satisfaits. Ouais, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, gars, assume, là, repousse. Parce que t'as l'air de quoi à le reporter comme 15 fois de suite, là? Ça fait con, là. Ouais, Belé qui dit rip la Wii U, ça c'est vrai. Ça, c'est une autre déception que j'ai énormément. La Wii U, cette année, on n'a pas eu notre Animal Crossing qu'on a sur toutes les consoles de salon. Ça, c'était. C'est vrai, ça, t'as totalement raison là-dessus. Ouais. Moi aussi, j'aurais aimé ça l'avoir. Ouais, c'est ça. Ça, je suis genre piste. Fait que c'est ça. Fait que... Sinon, ton numéro 1. Mon numéro 1 qui va être assez... qui va peut-être en traumatiser quelques-uns. Il s'agit de... Tenez-vous bien, je suis sûre que vous pourrez même pas deviner. Je sais pas, j'ai quasiment le goût de faire deviner le chat, mais non. Il s'agit, tenez-vous bien, de Harvest Moon Skytree Village au 3DS. Le dernier... comment qu'on dit? Le dernier Harvest Moon qui a été annoncé au dernier E3, techniquement, il était sur téléphone cellulaire. Dans le fond, quand ils l'ont annoncé, tout le monde prend pour acquis que Harvest Moon, c'est sur 3DS, il va ressortir sur 3DS. Non, il disait sur mobile, mais tu sais, un 3DS, c'est mobile aussi. Mais non, il est vraiment sorti sur cellulaire, puis j'ai vraiment été déçue. Puis, là, on va avoir le Harvest Moon Skytree Village qui va être sur 3DS, fait que ça va être un vrai. Qu'est-ce que je suis très contente. Il va y avoir des nouveaux personnages, mais on va aussi retrouver d'anciens personnages. Le visuel est censé être vu, parce que le dernier Harvest Moon qui est sorti au 3DS, c'était... je me souviens plus du nom. Tale of Two Towns. Et puis... non, c'était pas Tale of Two Towns. C'était... En tout cas, le dernier Harvest Moon sorti au 3DS, les graphiques étaient juste dégueulasses. C'était vraiment pas beau. Ouais, les gens étaient vraiment pas satisfaits. Hein. Ils ont demandé un changement, mais... Ouais, ben c'est ça. C'était... Écoute, Anne, c'était dégueulasse. Il avait voulu faire une espèce de Minecraft avec, dans le sens que tu pouvais... Cubique? Oui. Que tu pouvais... Que tu pouvais... il disait, là, Minecraft inspired, puis tout. Tu pouvais... dans le fond, miner là, tes terrains là, pour planter. Puis, ah non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. dégueulasse, c'est le terme. J'ai l'ai ouvert. Je l'ai acheté à rabais, là, vraiment en retard, parce qu'il venait avec une peluche. Là, puis, je l'ai ouvert, puis j'ai fait « wesh ». Puis, non, je me suis dit « ok, c'est peut-être un bug, c'est peut-être... » En tout cas, j'ai été voir des gameplays, puis non, là, c'était vraiment un jeu. Je capotais. J'en ai parlé à des amis qui c'est des fans de Harvest Moon aussi. Ils étaient choqués, eux autres aussi. En tout cas, là, ils ont promis qu'ils allaient revisiter le style visuel. On n'a pas, on n'a pas aucun gameplay, on n'a pas aucune photo. Fait que c'est pour ça que j'ai rien à vous montrer. On n'a rien, là. On n'a rien. Fait que là, le 3, ça va vraiment être l'occasion de voir de quoi ça va avoir l'air. Puis là, moi, je vais manger mon petit déjeuner McDo avec ça, là. Puis genre, je vais pleurer. Puis, ben, je vais regarder à quelle heure qu'elle est, dans le fond. Elle est à midi, OK? Ben, je pourrais pas manger mon petit déjeuner McDo. En tout cas, c'est pas grave. Puis, fait que c'est ça. Puis, après ça, ils vont retravailler la pêche. Ils vont aussi retravailler le tutoriel pour le rendre plus malléable. Oh, Belly s'en va! Il nous dit qu'on est solide! Le coin en haut à gauche. Que? Parce qu'en haut à gauche, c'est la photo à... C'est la vidéo à Catless. Mais si tu parles en haut à droite, c'est qu'on change les titres en attendant, parce que quand on va inviter des gens, ça va être leur photo, là. Donc, on dit tant qu'à mettre ça vite, ben on écrit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, de quoi on parle. Ouais, ben c'est ça. Puis pour les gens qui sont comme juste en audio, ben dans le fond, on voit nos deux caméras à l'écran. Et à droite, c'est notre sujet. Et en bas, à droite, c'est notre chat. Yep. Puis c'est ça. Puis le sujet, là, il est inscrit présentement. On parle du E3, c'est pour ça que c'est là. Puis quand, justement, comme par exemple, le prochain stream, on est supposé d'inviter Madame Zoom. Ça l'intéressait, ça t'intéressait, ça l'intéressait tout le monde. Ouais, donc, sa place va être en haut à droite, justement, à la place du sujet, justement. Là, il va juste avoir à changer le mot sujet et le E3 hype ou peu importe ce qui était le sujet. Là. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aimait mieux l'avoir pour être prêt. Ouais, bon, ben... Efficace. Efficacité. Puis c'est ça. Puis de toute façon, comme vous allez voir, là, on va changer de sujet un jour. On va arrêter de parler du E3, puis vous allez voir, ça va changer. Ouais. Quand même. Hey, on a quand même un concept, nous autres, derrière ça, là. Puis, fait que c'est ça. Fait que si on revient à Harvest Moon, dans le fond, le tutoriel va être allégé, comme je disais. Puis, comme toutes les autres, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis blablabla, ben dans le fond, c'est que... voyons. Ah! Oh non, mon affaire a buggé. C'est que quand tu joues à Harvest Moon, puis qu'est-ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est que tu peux choisir ton sexe, builder une famille, puis avoir des amis, puis blablabla, là. Fait que... Ah, bon, ben Belly pose une question, il demande si les invités, ça va juste être des filles. Fait que... Ça dépend de ce qui se passe sur Twitch. Ben, c'est ça. Ben, c'est que dans le fond, nous, comme on expliquait en début de podcast, nous, notre objectif avec le podcast, c'est de donner une visibilité aux filles, dans le fond. Parce que c'est rare qu'on a c'est rare qu'on a des filles qui vont... On a des filles qui stream, Madame Zoom stream. Il y en a d'autres qui stream également. Mais, tu sais, des fois, mettons, si on regarde des podcasts, puis whatever, ou des choses comme ça, souvent, mais ça va être des gars. Ça va être des teams de gars, des choses comme ça. Fait que c'est juste une question de mettre une priorité sur la visibilité aux femmes. C'est tout. Mais c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, on n'est pas là, on rejette pas personne, puis on juge pas personne. Puis, mais c'est ça, mais ça va être en majorité, là, comme ça. Fait que... Merci, Blados. Ouais! Puis, oh, c'est bien gentil! Il est content d'être tombé sur notre stream, il nous connaissait pas. Oh, c'est nice. Puis mon troll qui dit « Sinon, je suis toujours là, pourquoi ça doit être intéressant? » Ah, ben, tant mieux, tant mieux. Puis, oh, Belly qui voulait cette invitation! Oh my ah, oui, God! Mais on va pouvoir voir à date. C'est sûr que c'est pour les filles, mais si jamais on pourrait faire même un spécial ou quelque chose, on pourra voir à ce moment-là. Ben oui, c'est sûr. Mais comme je dis, on n'est pas là pour rejeter personne. On n'est pas là pour faire genre « Non, excuse, c'était pas assez important » ou « Oh non, excuse, c'est un pénis. » Tu sais, non, non, c'est pas ça, là. Fait que... Ew! Ouais, non, des gars caca, des gars. Non, là, pas ça, là. Fait que... Mais c'est ça. Fait que... On retourne-tu à Harvest Moon ou ça intéresse pas personne? Bon, Néo qui nous dit que, bon, OK, on va retourner à Harvest Moon. Fait que, comme je disais, les fans de Harvest Moon, nous autres, sérieux, là, c'est général. Si t'as un Harvest Moon, tu peux pas choisir le sexe de ton bonhomme, le monde pète une coche puis l'achète pas. Fait que, on peut. Puis, là, après ça... oh non, névrose. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, c'est pour ça que je suis très hype parce qu'ils ont su garder le mystère. Fait que moi, je veux absolument voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Moi, je me demande si les changements qu'ils ont fait, par exemple, avec la pêche, etc., que maintenant, il va même y avoir des zones puis des trucs du genre, est-ce que c'est par rapport au fait que Stardew Valley est sorti puis que ça a été aussi populaire? Est-ce que tu penses que c'est à cause de ça? Et en fait, oh my God, regardez! Ce jeu-là, il est rendu tellement populaire! Nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose qui peut être quasiment à la hauteur, qu'on peut dire? Parce que, excuse, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon Harvest Moon au point que j'ai joué à Stardew Valley. Ouais, ben en fait, là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un Harvest Moon, je sais pas pourquoi, ça prend des années et des années de conception. Oui, oui, oui. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est pour ça qu'ils sont tellement uniques. C'est qu'eux autres, ils n'ont pas le choix, quand ils font un Harvest Moon, de faire leur recette, puis de focusser sur ça. Ils vont pas regarder qu'est-ce qui se fait à l'extérieur. Okay. Donc, je crois pas que... Puis c'est... Dans le fond, Stardew Valley est issu de la famille des Harvest Moon. Fait que, à ce moment-là, c'est plus l'autre qui influence l'autre, là. Mm-hmm. Puis... Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là... Mais c'est sûr qu'ils ont compris. Parce que moi j'ai l'impression que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'Harvest Moon a voulu délaisser Nintendo pour s'en aller sur mobile. Ils ont vu que ça n'a pas pantoute marché. Fait que là, ils vont laisser tomber le mobile puis ils vont revenir sur 3DS. Okay. Parce que Nintendo... Ils ont testé. Ouais. Parce que Nintendo, là, avec les chiffres qu'ils ont eus, puis le décès de Iwata, puis tout ça, ils ont comme fait « Ah non, nous autres, on va quitter le bateau, ça marchera pas. 3DS mm-hmm. est morte. » Mais la 3DS est excessivement forte. Elle bat la Vita. Donc... Ça, c'est vrai. Fait que... Il y a des affaires dans le même. Fait que... Pour ça. Puis pour ce qui est... Puis qu'est-ce qui est quand même assez proche... Là, je sais pas s'il y a des fans de Harvest Moon dans la pièce, mais... L'équipe créatrice du départ de Harvest Moon a quitté Natsume, qui fait pour s'en aller de son bord, pour faire le jeu à sa façon et le faire évoluer à sa façon. Cette équipe-là a joint Exceed, la compagnie Exceed, mm-hmm. puis ils ont sorti Story of Season. Puis ils ont fait un advertisement comme de quoi que... Hey, est-ce que ton chum est en train de se faire de la promo sur le chat? Ça a de l'air, ouais, du monde qui demande c'est quoi son nom. En tout cas, tant mieux, tant mieux. Puis, fait que c'est ça, fait que si eux autres qui ont fait leur promo, puis Rip Exceed, non, on est aussi là. Mais non, c'est ça, il va avoir, justement, j'y arrive. I get there, I will get there. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que la gang, on comme fait la promo en disant que il n'y aurait plus de Harvest Moon, que maintenant, ça allait être Story of Season. Dans le fond, si tu veux suivre l'évolution d'Harvest Moon, switch à Story of Season, parce que c'est ça que ça aurait dû être, techniquement, si ça n'avait pas été barré par Natsume, dans le fond. Fait que là, on va avoir au E3, en tout cas, ils vont nous parler du Story of Season, le 2. Dans le fond, la suite qui est présentement disponible au Japon. Fait qu'on va l'avoir dans le Western qu'ils appellent. Ça fait qu'il sera plus uniquement basé au Japon. Puis ça va être... j'ai-tu le nom complet? Story of Season to Trio of Towns. Fait que un petit peu, ça ressemble énormément à Fantasy Life pour ceux-là qui puissent connaître, qui peuvent connaître ça. C'est tu vas avoir ton 3 îles, puis tu vas pouvoir te promener de ces 3 îles-là. Mm-hmm. Puis le visuel de Story of Season, il est écœurant. Il est juste beau, il vaut la peine. Tu vois qu'ils ont vraiment maximisé. Tu sais, tu vois ce que ça aurait pu être rendu. Puis moi, je veux dire, j'adore ça, là. Fait que c'est ça, là. Puis c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment hype pour ça. Surtout moi aussi, j'ai hâte d'avoir un nouveau Harvest Moon. Ouais, ben c'est ça. J'ai hâte de voir si je vais retrouver mon Harvest Moon que j'avais avant. Puis là, je sais que ça arrivera pas. Mais tu sais, dans le temps, Harvest Moon qui était au PlayStation... Hey, ça serait-tu pas le fun d'avoir un Harvest Moon, genre, sur console de salon? Moi, je serais prêt, là. C'est vrai que ça fait longtemps, mais peut-être aussi que les gens trouvent que c'est plus portable, justement, parce que c'est souvent les mêmes choses à faire. Ouais. C'est un petit peu à chaque jour, dans le fond. Ouais. Fait que... Mais faut dire qu'avant, il l'avait au Nintendo, puis moi, mon préféré, c'est lui qui était au Nintendo 64, fait que c'est quand même un autre point qui est pas... Il y a eu un Harvest Moon au Nintendo 64? C'était mon préféré. On m'a dit, j'en ai mal acheté! Mais c'est ça. Fait que. Puis, aussi pour dire là, que quand t'achètes un Story of Season ou un Harvest Moon, t'as une peluche qui vient avec. Puis la peluche avec le Harvest Moon, ça va être un petit âne. C'est cool! Ouais! Tu nous le montreras, mais que tu l'aies. Oh, ça marche pas. Qu'est-ce que j'essaie de mettre la face à One Up dans le chat, mais j'étais pas capable avec joystick marde, mais ça marche pas. OK! Fait que là, où est-ce qu'on est rendu? On a donné nos top 3. Il y a aussi une autre petite nouvelle, rapidement, comme ça, qu'on pensait, qui était assez cocasse. Le fil chez Best Buy. Là, je vais essayer de les envoyer. Est-ce que tu peux l'envoyer? Oh mon Dieu, oui! Je vais les envoyer le lien. Oh. Non, pas une petite âne, un petit âne. Regardez, allez voir ça, guys. Ce fil-là, présentement, est au prix de... Vous devinerez jamais, ça n'a juste pas d'allure. Hey, c'est un prix 1095$. Oh my god! Arrête! 1095$! Puis, si vous regardez, ce qui est le plus drôle selon nous, c'est vraiment. Oui, le fait que c'est un prix, c'est drôle, parce que c'est quand même assez haut pour un fil de genre, mais c'est les reviews. Les gens en ont beaucoup parlé. Si on regarde, les gens trollent tellement. Mais hein, paradoxie! Mais c'est parce que ce qui est drôle dans cette histoire-là, c'est le fait que. Regarde ce que les gens disent. Les ratings, les gens trollent à un point tel. Il y a un homme qui dit « Moi, de mon côté, j'ai toujours voulu avoir un fil qui était tellement bon pour... par exemple, quand je voulais écouter la télévision, ce que j'ai fait, j'ai pris l'argent des études de mon enfant, je les ai investis là-dedans. Dans quelques années, mon fils va être fier de moi, il va dire que j'ai fait une excellente décision d'avoir ça pour son futur. » Mais allez voir, là, les trolls, c'est fou! Fait que nous autres, on trouvait ça cocasse. On voulait juste en glisser un petit mot rapidement. Salut, Mathis! Donc, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'ai... C'est un fil en imprimante. Genre... Tout est traumatisé! Ouais, ça a comme pas de bon sens, là. Puis, ouais, si ton chat mâche le fil, t'es fâché. Écoute, comme Écoute, le chat à One Up, il mâche pas mal de fil. Il a quasiment brisé déjà mon fil de cellulaire que je viens d'avoir, là. Ouf! Tu fais manger à des végétariens. Oh, on le donne à Catlaise. Non, c'est correct, là. Fait que... Mais Phoenix, d'après moi, il y en a quand même quelques-uns qui l'ont acheté. Malheureusement, mais c'est plus surtout pour les ratings. Pour ce que les gens en pensent, que les gens disent comme commentaire, c'est ça qui est le meilleur, selon moi. C'est pour ça que je vous ai aussi envoyé le lien. Merci, Sam Bike 21 pour merci pour le follow! Yay! OK! Ensuite, je sais qu'il y avait aussi, par exemple, avec... toi, on a oublié de dire, justement, par Overwatch, pendant qu'on en parlait, que Blizzard s'associe justement avec Facebook pour faciliter la diffusion d'Overwatch. Ouais! Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, Il y a quand même pas pire de... Ben, je pense que tout le monde a vu la fonction de Facebook qui permet... qui permet de faire un Facebook Live, en fait, là. Tu prends ton appareil mobile, tu payes ce putain, puis genre, t'es live, puis là, tout le monde qui tombe dans leurs amis, ils voient que t'es live présentement. Ils voient une photo, fait que là, tu penses que c'est une photo, puis là, c'est marqué, la personne est live, fait que tu cliques, puis t'es capable d'y parler en même temps, simultanément. Oui. C'est quand même super... C'est ça, c'est super intéressant. Moi, par exemple, je suis quand même dans le monde des blogueurs, puis des influenceurs, puis tout ça. Nous autres, on trouve ça super le fun. Mettons, tu veux lancer quelque chose sur ton blog ou tu veux faire quelque chose, c'est super le fun. Point de vue gaming, je sais pas. Là, il y a une mode, je sais pas si ça a un nom. Mais les gens, mettons, vont se filmer en Facebook Live, mettons, pendant 4 heures de temps en train d'écouter un film ou en train de jouer à un jeu. Fait que, mettons, moi, je me filme en train de jouer à mon jeu sur ma console de TV, mais tu sais, vous voyez pas le jeu, là. Vous voyez moi qui joue à mon jeu. Ça, en étant une streameuse, and beat et streamers aussi. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime en tant que viewer et streamer, c'est que je peux voir le jeu de la personne et interagir avec la personne. Je vois avec elle qu'est-ce qu'elle fait. Fait que je vois pas le positif du Facebook Live pour ça, là. À moins, comme je dis, pour les influenceurs ou les blogueurs, là. Ouais. Mais c'est ça. Là, ouais. Tu veux t'expliquer qu'est-ce que, dans le fond, c'est quoi le qu'est-ce que Blizzard et Facebook veulent faire, ou tu veux que je le dise? Excuse-moi, je suis en train de répondre. Ah, OK, c'est bon, ben je vais y aller. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que Blizzard a contacté Facebook, ou en tout cas, OK, excusez, c'est pas on sait pas qui a contacté qui, on s'en fout, en fait, là. Mais ben, c'est que Blizzard et Facebook... Il me semble que c'est Blizzard qu'ils ont contacté, parce qu'ils ont dit que souvent, les gens qui utilisaient le jeu, qui jouaient au jeu, avaient souvent la fenêtre de Facebook ouverte, donc ils voulaient relier les deux ensemble. Ouais, ben c'est ça. Fait que dans le fond, quand tu vas pouvoir jouer... Ben, ça me fait penser un petit peu au stream de Steam. Au stream de Steam, oh my God. Toi, mettons, tu ouvres ton Steam, puis là, tu vois que t'as un de tes amis Steam qui joue un jeu, ben tu peux cliquer puis décider de regarder sa partie. Mais ça me fait penser un peu à ça, dans le fond, c'est que, mettons, moi, je joue à Overwatch sur mon PC, j'ai l'option partager ça en direct sur Facebook, fait que mes amis, ma tante, mon oncle, mes parents sur Facebook vont voir que je joue à Overwatch, vont faire... Arc, je m'en sers qu'elle joue à un jeu vidéo. Les jeux vidéo, c'est pour les jeunes de 8 ans. Fait que, tu sais, les vieux, comment est-ce qu'ils sont? Puis, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je me dis, je pense pas que ça... Je veux dire, c'est cool, mais sur Twitch, tes followers, c'est des gens, c'est des gamers. Fait que c'est ceux qui sont intéressés à ce que quand tu joues à un jeu. Mais sur Facebook... Sauf que, faut se dire aussi, sur Facebook, tout ce qu'on voit, c'est pas toutes des choses qui nous intéressent non plus, malgré que ce soit, tu sais... Je veux dire, il y a des images, des fois, que ça me tente pas nécessairement de voir. Je fais juste pas cliquer dessus. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que est-ce qu'il va y avoir de la customization? Est-ce qu'il va y avoir des layouts? Ou c'est juste vraiment ta cam comme si tu étais en train de filmer? Parce moi, que je trouve ça un petit peu plate. Puis j'ai peur que ça fasse le même effet que YouTube Gaming, genre que personne y va, là, en tout cas. Ben... Écoute, là, je connais pas grand monde qui vont là-dessus, honnêtement. Là. Hitbox! En tout cas, fait que, mais c'est que moi, je sais pas si tu te souviens, moi, j'ai streamé Tomb Raider, qui est au Xbox. Puis là, dans le fond, moi, quand je streamais Tomb Raider directement dans ma Xbox, Tomb Raider me fournissait un overlay complet. Okay. Puis ça, c'était super intéressant. Ça, c'est vraiment le jeu qui me le fournissait. J'avais aussi des interactions avec le chat. Si le chat décidait que je devais passer par ce chemin-là, puis que je devais prendre le long chemin, puis pas le raccourci, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse, OK? Fait que j'avais des interactions avec des trucs comme ça. Qu'est-ce qui était très bien. Fait que j'ai l'impression que Facebook et Blizzard ensemble vont proposer un overlay assez, tu sais, assez basic, mais assez mignon pour que ça fasse quand même assez bien. Personnellement... J'ai hâte de voir. Moi, j'ai pas remarqué. Là. Mais personnellement... Oups, excusez, j'ai accroché mon bon nylon. C'est que personnellement, moi, à mon avis, quelqu'un qui va streamer un jeu, c'est un, on va dire, un hardcore gamer, qui s'adresse à des hardcore gamers. Fait que, c'est quoi le rôle de Facebook? Tu sais, moi, là, mes followers sur Twitch, je les ai pas dans mon Facebook, là. Tu sais, ça, c'est... Puis mon Facebook privé, il est privé, là. Puis je pense pas que ça va intéresser ma tante, tu sais. Comme c'est sûr que ça va être quelque chose qui va avoir avec le futur, mais d'après moi, comme tu dis, c'est pas quelque chose qui va être le plus populaire non plus. C'est Est-ce qu'ils allaient être du genre à l'essayer, ceux qui ont Facebook? Ouais, ceux qui ont Facebook, genre tout le monde a Facebook. Ah, Francis, ça fait pas longtemps qu'il l'a. Sinon, c'est environ ça pour ça ici. Sinon, je pense qu'il y avait un autre, hein, pour une update pour la X1. Moi, je connais pas trop la Xbox, honnêtement, hein. Ouais, ben, ça cause que, sérieusement, là, moi, là... Moi, je suis pro gamer sur Xbox, c'est ma console principale. Mm-hmm. Qu'est-ce qui arrive, c'est que la Xbox, il y a beaucoup de monde qui vont chialer sur le menu. Moi, mm-hmm. personnellement, il me dérange pas le menu, là, j'ai pas de problème. Puis, tu sais, c'est j'ai pas de problème avec ça, mais il y a beaucoup de gens que ça les dérange. Je veux dire, je respecte ça, là, c'est la vie. Par contre, l'affaire, c'est qu'ils sont tout le temps en train de mettre des mises à jour pour changer l'interface du menu, mais genre toujours. Les gens sont jamais satisfaits, anyway. Non, parce que les changements qu'ils font, t'es comme, c'est quoi? Pourquoi? Non! Puis là, t'es tout mêlé, puis tu comprends rien. Fait que là, puis là, l'article qu'on a, dans le fond, la source qu'on a, c'est GameSpot, puis mm-hmm. même eux sont comme, pas sûr non plus, je sais pas là, mais tu sais, c'est on dirait qu'ils sont comme moi un peu là-dedans là. Ils disent Microsoft va lancer une nouvelle update pour la Xbox One pour l'interface bientôt. Puis genre ils mettent en parenthèse, puis ils sont quasiment en train de se propre capaer là, genre on dirait qu'ils se trouvent eux-mêmes. Mm-hmm. Mais ça aurait été dit sur Twitter, puis dans le fond. Ils vont, elle existe, elle est là, elle est confirmée, l'update, mais on sait pas c'est quoi. Puis, ouais. Regarde, là, ils disent, là, c'est pas clair, ils vont l'appeler la anniversary update, là, l'update universelle. Puis, back to the indie. Back to the indie. Ouais. Tu ouvres ta Xbox One, une marche de 15 minutes à chaque fois. Ben, c'est ça. Fait que là, on parle de rumeurs. Personnellement, je suis pas fan nécessairement de parler de rumeurs, mais en tout cas, on parle de rumeurs. Là, ils disent qu'il y aurait une liste de nouvelles caractéristiques qu'on ne sait pas, mais ça serait l'habilité pour toutes les Xbox One d'être des équipes de développement. Ça, sérieusement, ça, je m'en sac en tant que player, là, en tant que joueuse. Je veux dire, moi, je ne suis pas une développeur. Là, fait que, en tout cas, fait que, je veux dire, c'est comme, ça peut être un avantage pourquoi 5% des utilisateurs Xbox, mais en tout cas. Mm-hmm. Le background, l'arrière-plan, la musique, puis Cortana serait implantée, mais regarde, Cortana est même pas implantée encore dans nos ordinateurs qui ont Windows 10. Ouais. Donc, c'est ça. Puis l'arrière-plan, puis de la musique. Pourquoi? OK. Il change toujours. Fait que c'est ça. Puis le patron, Phil Spencer, de Microsoft devrait annoncer clairement en quoi consiste cette mise à jour au E3. Ça, par exemple, ça me donne confiance parce que l'année passée au E3, Xbox ont annoncé, écoute, je pense que je pleurais, là. Mais je sais pas si c'était au E3 ou c'était à leur grosse conférence en septembre, en tout cas, je m'en souviens plus. Mais ils ont annoncé, quand ils ont annoncé la rétrocompatibilité, là. Fait que, hey, Kiki Amojito! Merci pour le follow! Puis, fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont annoncer, mais normalement, Xbox nous annonce du vrai stock. Parce que je sais qu'au E3 l'année passée, Sony avait annoncé uniquement là, le remake de Final Fantasy VII, je pense, puis ils avaient comme quasiment fait rire d'eux autres, tu sais. Les fans de Final Fantasy étaient comme « Oh yes, c'est Sony qui vient de gagner le E3! » Non. Tu sais, je veux dire, Xbox avait eu beaucoup de thumbs up pour leurs annonces parce qu'ils écoutent leurs fans. Qu'est-ce que Sony fait pas nécessairement? Ouais, ça dépend. Là. Moi, je sais que j'aime beaucoup, par exemple, l'option que je peux parler avec mes amis sans jouer au même jeu. Des petits trucs comme ça qu'on n'avait pas avant qui nous ont écoutés, mais je pense que ça dépend vraiment des consoles. Oui. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que la rétrocompatibilité est demandée universellement à tout le monde. Puis là, mais j'avoue que celle avec Xbox, c'est beaucoup mieux qu'avec PlayStation jusqu'à maintenant. Là. C'est ça. Aussi, PlayStation offre le... Tu sais, ils ont comme une espèce de clé vidéo là, que tu peux louer un jeu dans le store, là. Je sais pas mm-hmm. comment on appelle ça. Mais moi, là... Wow, Néo, il est fucking en désaccord, qui dit. Ouais, mais ça, il y a le délai, là. C'est parce que je suis en train d'expliquer mon point. Il est en désaccord avec quoi? Fait que, ouais, c'est ça, il est en désaccord, il trouve que Sony écoute ses joueurs. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai pas de PlayStation 3. Si je veux jouer au classique de la PlayStation 3, je peux même pas avec, je sais pas comment qu'elle s'appelle, là, le truc dans le store qui me permet de jouer à des anciens jeux, là, genre, mettons, tu payes 15$ puis tu joues deux semaines, là. Mais c'est tous des jeux inconnus. Si je veux jouer... Ça dépend des jeux que tu joues. Moi, je sais que j'ai trouvé tout plein de jeux que j'aime beaucoup, comme par exemple Sirens, que j'ai beaucoup attendu. J'ai vu des jeux de Clock Tower. C'est tous des anciens survival que je trouve surtout sur le PlayStation Live, que je pourrais... Pas Live, mais le PlayStation... c'est comme les anciens jeux que je peux pas trouver, par exemple, en copie physique. Moi, c'est quelque chose que j'aime face aux jeux que j'aime aussi. Ça dépend de ce que t'aimes comme jeu. Wow! Endless Riffalo! Mais c'est ça, mais moi, c'est... Tu sais, comme, mettons, je veux jouer à comment est-ce qu'il s'appelle, là, le jeu qui a été fait par le studio Ghibli, là? Comment ça s'appelle? En tout cas, c'est il est sorti au PlayStation 3, puis c'est un jeu comme super écœurant. Il y a des classiques comme ça que j'aurais aimé jouer, puis que je peux pas, à cause qu'ils ont pas de rétro-compatibilité, ils ont pas d'affaires comme ça. Fait que moi, qu'est-ce que je veux... Puis regarde, là, tout le monde chiale à Xbox, tout le monde est comme « Hey, Xbox, man, ton interface, on l'aime pas. » Ni No Kuni, oui, c'est ça, merci. Ouais. Tu sais, je peux même pas jouer à No Kuni, je peux même pas aller m'acheter Ni No Kuni au PlayStation 3, l'avoir au PlayStation 4. Ils vont même pas... Sûrement, moi, je me dis sûrement que le fait aussi qu'ils vont... qu'ils sont supposés de refaire comme un remake, ou je sais pas comment dire. Ben, ils sont supposés de faire Ni No Kuni 2 au PlayStation 4. Ça m'étonnerait qu'ils le remettent, ils vont attendre que le monde la jette... Ben, refaire. C'est ça, mais c'est parce que ça fait un an qu'ils en parlent de Ni No Kuni 2. Mm-hmm. Fait que moi, je me dis, PlayStation sont assez... PlayStation, là, ils vont offrir un super bon produit, mais ils vont s'écouter eux-mêmes, puis ils vont y aller, dans le sens que c'est comme ça. Tandis que Xbox, ils vont faire des erreurs, puis le monde va leur dire « Hey, Xbox, parce qu'on aimerait ça, la rétrocompatibilité, on aimerait ça que tu changes l'interface, on l'aime pas », ben ils le font. Moi, c'est ça que je veux dire. Puis je suis pas en train de dire que Xbox est meilleur que PlayStation ou whatever, là. T'sais, « Ah, merci pour le follow! » Merci, Nishibiniku. Follow! Puis, tu sais, je suis pas en train de faire un affaire. Je fais juste dire que l'année passée, Xbox ont gagné le E3 à cause de ça. Ils c'est drôle. Leur monde. Toi, tu dis que t'aimes plus ce que Xbox faisait. Moi, je préférais ce que PlayStation ajoutait. Mais comme tu dis, c'est chacun ses goûts avec ce qu'il préfère. C'est quoi que PlayStation a ajouté, écouter ses fans? T'sais, je veux dire, pour les options de joueurs en équipe, ça, je te l'accorde à 100%. C'est vraiment un gros plus. Par exemple, comme je t'ai dit, les jeux que je voulais jouer avant, ça, ils l'avaient pas non plus. Comme là, je suis pas obligée de payer pour avoir... Comme je peux payer un petit montant puis réussir à avoir un jeu que je suis pas capable de trouver nulle part de façon masterisée. Comme si j'ai vraiment de la difficulté à trouver Sirens. Sinon, aussi, il y a, par exemple, l'option où est-ce que moi, je paye pas les taxes quand j'achète mon jeu. Ah, ouais. Ça, c'est vraiment un plus pour moi parce que ça m'économise un bon 15$. Ben c'est ça, mais c'est parce que ça, là, dans le fond, c'est Sony qui t'a proposé ça en partant quand t'as acheté ta PlayStation 4. Je trouve que c'est un gros plus. Oui, c'est ça. Ça, c'est un énorme gros plus. Mais Xbox, eux autres, vont faire des erreurs puis ils vont écouter le monde, tu sais, tu comprends? T'as-tu un autre exemple, par exemple, que t'as vu qu'Xbox avait écouté à part le chose qui change tout le temps, là, puis que jamais personne n'est content? Ouais. au départ, quand j'ai acheté ma Xbox One, dans le fond, Skype était là, mais il fonctionnait avec le Gold. Le monde a dit genre, ah non, what the fuck, je vais pouvoir utiliser Skype quand je veux. Ils l'ont enlevé tout de suite. Après ça, il y a eu les fonctionnalités d'ouverture, voyons, comment tu dis, quand ton Xbox est en veille, là, est en berne. Il y a des fonctions avec Kinect aussi qui ont été ajoutées. Tu peux contrôler ta Xbox avec ta Kinect. Fait que t'écoutes un film, t'as pas besoin de télécommande, t'as pas besoin de rien. Tu sais, il y a plusieurs comme ça. Mais comme je dis, PlayStation t'a proposé un produit complet au départ. Puis, tandis que Xbox, lui, il s'ajuste, là. T'sais. Puis je fais juste dire que c'est une belle qualité pour Xbox de s'ajuster quand c'est sa communauté lui dit. Puis c'est pour ça qu'ils ont gagné le E3 l'année passée. C'est ça que les journalistes ont dit. C'est ça que les statistiques ont démontré. Merci du follow, Kerbeck. Ouais, Kerbeck, merci. Yeah, bienvenue. Puis c'est pour ça qu'ils ont gagné d'un point de vue des statistiques. PlayStation, là, l'année passée au E3, ils étaient vraiment niche. Dans le sens que leur grosse annonce, c'était sur du Final Fantasy. Mais moi, là, je suis une gamer de MMO, je suis une gamer de... Moi, Final Fantasy, sérieux, ça me passe 10 minutes par de sa tête. Fait que les gens qui sont plus générales dans le jeu vidéo, les annonces de PlayStation l'année passée, ça a comme fait... OK, tu sais, on passe à autre chose. Par exemple, le PlayStation... T'achètes un jeu sur PlayStation, là. Moi, j'ai les deux. Moi, j'ai toutes les consoles. T'achètes les jeux sur PlayStation, j'ai zéro bug. J'ai acheté des jeux sur Xbox, j'ai eu des problèmes. Ça, c'est un fait. Tu sais, on n'est pas là, tu sais, je suis pas là pour dire genre, hey, tout le monde peut acheter. Toutes tes consoles quand même, là. C'est ça. T'sais, j'ai comme pas... je dis, moi, par exemple, avec la Xbox, ce que je trouve cool, c'est la rétrocompatibilité de certains jeux que je trouve nice aussi, là. Ouais. Chacun a leur plus, chacun a leur moins, mais c'est sûr que toi, si t'as mieux Xbox, c'est ton choix. Par exemple, pour le E3, mais moi, je trouve que le E3 avait beaucoup gagné pour cette année, mais encore une fois, c'est. Mais c'est chacun ses goûts, là. Comme je dis. L'année passée, moi je te parle que l'année passée, Microsoft Xbox, là, ils ont gagné le 3 avec leur annonce de rétrocompatibilité qui est comme huge, que je me sers et que tout le monde sur Xbox se sert assez souvent, là, ça a été parce que c'est des bons jeux là, qui sont rétrocompatibles. Okay. Ils travaillent encore sur ça. Puis, Sony, PlayStation, sont plus niche, sont plus avec leur monde. Mais ça a été démontré que présentement, à l'heure actuelle, en date d'aujourd'hui, au mois de juin 2016, la PlayStation 4 est plus puissante, est plus performante que la Xbox. Ça, ça a été dit. Ah. Fait que, tu sais, c'est pas... On n'est pas en train de dire qui est bon, qui est pas bon. Moi, je fais juste je fais juste mettre l'accent sur le fait que, point de vue statistique, ça a été démontré qu'Xbox a gagné le E3 l'année passée. Puis... que c'est... Moi, j'aime ça, le fait qu'ils écoutent leur monde. Puis moi, j'aime le Xbox parce que c'est une console multimédia, dans le fond. Moi, je peux écouter mes films, ma musique, whatever. Chose que je peux pas faire ou que j'ai de la misère avec le PlayStation 4. PlayStation 4... Moi, pourtant, tout va bien. Genre, j'utilise mon Netflix, j'ai aucun problème. J'utilise l'écoute de la musique, etc. Puis j'ai jamais eu de problème avec le mien. Mais peut-être parce que moi, j'ai toujours été habituée au PlayStation, donc je trouve ça très facile d'accès. Puis je suis perdue dans Xbox, moi. J'essaie de chercher les gros carrés, je suis vraiment perdue. Fait que peut-être aussi que c'est une histoire d'habitude face à ça, mais comme tu dis, chacun a leur plus, puis chacun a leur moins. Là. Merci, PJC, pour le host. Bienvenue tout le monde. Merci! Mais, ben non, c'est qu'en fait, là, moi, je parlais plus du fait que quand tu mets quand tu veux écouter des fichiers, moi, mettons, dans ma Xbox, j'ai accès à mon ordinateur. Faut que je sois sur le même routeur. Fait que j'ai accès à l'intérieur, à tout le contenu de mon ordinateur. Fait que si, mettons, j'ai ma famille qui vient puis je veux leur montrer mes vidéos que j'ai faites quand j'étais en vacances, j'ai pas de problème à le faire. PlayStation a lancé cette fonctionnalité-là il y a un mois. Tu comprends? Puis j'ai jamais réussi à la faire fonctionner. Fait que je suis pas en train de dire... Tu sais, je fais juste dire, mais tu sais, toi, tu te sors de ton PlayStation, est-ce que ces fonctionnalités-là t'intéressent? Non. Moi, oui. Ben, moi, les fonctionnalités qu'il y a avec le mien, je suis bien heureuse avec ceux-là qu'il y a, là. Ouais, ben c'est ça. Mais moi, quand j'ai acheté ma Xbox, c'était parce que je voulais aller dans mon ordi, je voulais aller faire mes affaires, je voulais chercher mes tout ça. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, il y a tout ça. Fait que moi c'est ça que je veux dire. Puis merci ça... pour le follow, Crickers. Ouais. Merci. Puis aussi le fait que les gens qui vont dire mettons, ah moi l'interface, tu sais comme tantôt tu m'as dit, ah moi les gros styles carrés de Xbox, j'aime pas ça. Ben tu sais ça te perd, tu sais. Mais si le Xbox aurait été ta unique console, mettons genre que... Parce que toi, t'as les deux. Fait que mettons J'ai commencé avec la Xbox, faut dire, hein. J'ai commencé avec la Xbox, puis après, j'ai switché au PS3, puis j'ai resté au PS3. Ouais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que mettons que là, maintenant, là... T'sais, comme moi, j'ai eu la Xbox en premier. Ben, je la connais par cœur, ma Xbox. Mais t'sais, toi, t'as les deux. Merci pour le follow, excuse. Toi, t'as les deux. Donc, si t'arrives... Tu joues tout le temps sur ta PlayStation. Puis là, mettons, t'as Tomb Raider qui sort au Xbox, ça fait que là, tu vas jouer dans ton Xbox, tu sais. Mais là, t'es pas habitué, ça fait 2 ans que t'es sur ton PlayStation 4 tout le temps, puis t'es habitué, t'aimes ta manette, t'es confortable avec ta... C'est normal, là, que t'es perdu dans un autre... Moi, par exemple, j'ai eu le contraire. Moi, j'ai switché de Xbox à PlayStation 4, c'était super intuitif, ça, c'est sûr, on le donne. Ça, c'est sûr que je le donne à PlayStation. Mais c'est normal pour quelqu'un qui arrive. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a été sur Mac toute sa vie. Tu lui demandes d'utiliser un PC, là, il est perdu, là. Ben, c'est sûr. Moi, je vois ça de la même façon. C'est sûr, oublie ça, moi, un Mac, je suis perdu aussi, là. Ouais. Puis aussi, Néo qui demandait tantôt, quand que je disais que les influenceurs puis les journalistes, ils avaient dit que les statistiques disaient que c'est Xbox qui avait gagné le 3 l'année passée. Ça m'étonne que t'aies pas vu ça passer, sérieusement, Néo, mais c'est juste pour dire que l'année passée, IGN l'ont couvert. On avait les statistiques sur Twitter, sur les médias sociaux différents qui montraient que tout ce qui avait été partagé, les tweets, les ventes Xbox, tout ça combiné ensemble, ils ont montré que c'était Xbox qui avait suscité un énorme boom. C'est sûr et certain que je ne suis pas préparée pour ça. Là. Je ne pensais pas qu'on allait les discuter de ça ce soir. Fait que j'ai pas tout ça derrière moi, mais ça avait été excessivement médiatisé par Radio Talbot, par IGN, par Oscar Namit. Ça avait été assez, assez gros. Fait que ça m'étonne que ça ait... Ouais. C'est ouais. drôle, moi, de mon côté, je pensais que j'avais vu le contraire. Mais comme tu dis, c'est peut-être pas les mêmes choses qu'on a vues non plus. Là. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'ai moi, c'est sûr que... moi, je dis ça d'un point de vue... Moi, l'année passée, j'avais... Ah, ben c'est ça. Rêve Zamel qui dit « Microsoft a aussi annoncé son ouverture au crossover des plateformes en ligne. Ils ont même été demandés à PlayStation, puis PlayStation les a ignorés complètement. » Fait que, tu sais, il y a ça, là. Quand je dis que Xbox sont ouverts, moi, c'est ça que je dis, là. Pourtant, par exemple, si je regarde un jeu avec le PlayStation, comme... tu sais, le jeu où est-ce que c'est... j'ai oublié le nom. Avec les ballons, là, où est-ce qu'il y a... Ah, Rocket League. Rocket League, par exemple. Ça, c'est autant toutes les consoles, non? Non. Rocket League PC et PlayStation... OK. Dans mais fond, PC, c'est comme Microsoft. Ouais, mais c'est ça qui est bizarre. Mais c'est parce que Microsoft travaille de son côté pour ça. Ils sont juste en retard, là. Mais Rocket League, il a été si je... Mettons, moi, je joue sur PC, je peux jouer dans la même partie que mon ami qui est sur PlayStation 4. Oui. Fait qu'il y a ça. Mais moi, c'est ça que je veux dire. Monsieur ça fait Japan! Juste... Ça fait juste partie du fait que Xbox sont ouverts, tu sais. Puis... Oui, la même chose aussi avec Doom. Doom, le mode en ligne aussi, si tu regardes avec le cross-map que je parlais tout à l'heure, ça aussi, c'est possible avec, par exemple, l'ordinateur, etc., là, pour jouer Doom, en ligne. Doom, il est exclusif? Non. Non, OK, c'est bon, je t'ai mêlé. Mais c'est ça, fait que... Tu sais, c'est... Puis aussi, l'affaire, c'est qu'il y a tellement... Tu sais, les fans de PlayStation, là, sont énormément, genre, ils ont du hate un peu envers Xbox, parce que, puis c'est le même principe que je parlais, dans le sens que PlayStation, là, les gens, là, les fans sont super fidèles. Tu sais, Xbox, là, les gens qui vont sur Xbox, c'est des gens plus casual, ou c'est des gens PC qui vont alterner Xbox, PC, puis tout ça. Mais ouais, les gens... J'en ai vu des pas pires sur la Xbox qui était intense. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Console défend sa console. Mais moi, je remarque que les gens, là, PlayStation, là, qui aiment PlayStation, là, sont genre vraiment fidèles, puis ils prennent ça vraiment à cœur, puis sont puis les jeux aussi, parce que PlayStation là, va avoir beaucoup de jeux intenses, tu sais, comme Uncharted, les RPG, ils ont beaucoup de, tu sais, de JRPG, puis les gens là, tu sais, sont vraiment, tu sais, ça leur fait vraiment à cœur. Puis PlayStation là, au début là, PlayStation là, avec les Final Fantasy puis tout là, tu sais, il y a beaucoup de nostalgie là pour les joueurs de PlayStation depuis le début, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours été Nintendo, Xbox, tu sais, dans le moi aussi, avant. Nintendo par exemple, 64. Les Tony Hawk, etc., je jouais tout le temps ça sur Xbox. Genre, les Resident Evil, je jouais ça chez mes amis avec la PlayStation, puis j'haïssais la manette avant. J'ai comme acheté la PS3, oui. Puis depuis ce temps-là, on dirait que j'ai comme, je sais pas, j'ai accroché, parce qu'avant, moi, j'étais pro Xbox, là, intense, là. Ma soeur voulait absolument qu'on ait une PlayStation si on n'avait pas de console. Ma mère a dit « Décidez-vous, c'est une console! » J'ai dit « OK ». Je lâche la Xbox, puis on essaie la PlayStation. On dirait depuis, j'ai comme resté accroché, mais comme on dit encore une fois, c'est une question de goût, c'est une question d'etc. Salut Power! Merci Guiquette Yoshi pour le host, c'est super gentil. Merci mais Yos! Aussi, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, personnellement, j'ai toutes les consoles, puis tu me demandes, là, genre, OK, Catless, c'est quoi ta console préférée? Sérieux, j'en ai pas, parce que chacune offre leurs affaires, puis chacune offre leurs jeux. Tu sais, moi, personnellement, là, mon jeu là, qui m'a le plus impressionné là, cette année, puis même, je pense, à vie, là, c'est The Order sur PlayStation 4. Ah, ouais? Oui. Puis il y a beaucoup de monde qui l'ont pas aimé. Puis, en tout cas, on va faire, on n'est pas là pour faire la critique de The Order, là. Mais, tu sais, c'est le même débat. C'est exactement le même débat que les iPhones, là. T'sais, quelqu'un il dit « Ah, moi, je l'aime, mon iPhone, tout ça. » Tu vas avoir quelqu'un, mettons, sur Facebook, là, puis là, tu vas avoir 20 millions de hate, là, genre « Ah, c'est de la merde, c'est vrai, c'est Android, c'est les mieux, tu sais. » Moi, je pense que c'est... Elle, merci pour le follow! Ouais, merci! C'est juste que moi, je comprends pas le besoin de dire que un est de la merde et que non. Non, c'est pas de la merde. Tu sais, je veux dire, moi, je joue à mon jeu sur Xbox, c'est pas de la merde. C'est une bonne console. Puis je joue à mon jeu sur PlayStation 4, c'est pas de la merde. Ouais, fait... je comprends. Ouais, c'est pas... On va pouvoir continuer ce débat-là au prochain stream. Sinoz Multigaming, merci beaucoup aussi pour ton follow. On va pouvoir tout aller vérifier ça à notre prochain stream qui va être mercredi de la première semaine. Mais là, juste rapidement, pendant qu'on parle de Xbox, justement, la fin du projet Sparks, c'est pendant qu'on est dans Xbox, là? Ouais, ben c'est ça. Ben, projet Sparks, c'était... Je pense que c'était juste sur... Clarotos, merci pour le follow! C'était-tu juste sur Xbox, mon Dieu? Je pense qu'il était sur PC également, je ne suis pas sûre. Oh, ça, je ne sais pas, par oui. exemple. C'est parce que Project Sparks, pour les gens... Aperture Science qui dit que c'est juste Minecraft, qu'il n'y a pas de la merde, il n'y a pas tant. C'est que, dans le fond... Merci, Chilal! Salut! Hey, bienvenue! Claire Rotrose, merci pour le follow. C'est gentil. Dans le fond, Project Spark, c'était un jeu qui était... dans le fond, il n'est plus. C'est un jeu qui... mon troll! Dans le fond, on fait le podcast tous les premiers mercredis du mois. T'as juste à suivre les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, pour être mis au courant. Et puis, tu vas voir, on va l'annoncer. On spam plein de fois dans la journée pour vous dire que c'est le temps. Mais c'est ça, fait que... Puis Musio Japan qui veut Japon. Japan qui dit que Overwatch, c'est pas de la merde. Il y a rien qui est de la merde. Tout est hot. Il y a aucun jeu qui est de la merde. Full love, là. Oui, même Goat Simulator, c'est pas de la merde. Parce que avec les grands langues, on n'a pas le choix d'aimer ça. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis aussi, ben, mon troll, on regarde pour aller sur iTunes. Fait que ça va pouvoir nous pogner là. Mm-hmm. Puis c'est ça, donc voilà. Mais sinon, pour Project Sparks, au départ, c'était un jeu à monde ouvert que tu créais ton jeu, ton univers. Mais au départ, comment ça fonctionnait, c'est que le jeu, il était gratuit. Si tu le downloadais dans le store du Microsoft ou mm-hmm. si tu l'achetais, il était 40$, mais il venait avec des bonus. Puis dans le fond, qu'est-ce que tu pouvais créer ton... Puis comme le nom le dit, Sparks, il y avait plein de d'étincelles. Tu créais ton jeu... ta plateforme, ton univers, il y avait du monde qui avait recréé au complet Fable. C'était magique. Puis, par exemple, le gros... Bear Simulator. Le gros point négatif, c'était que c'était payant. Tu devais payer pour des utilisations de crédit, dans le fond, si tu voulais mettre de la pelouse, c'était payant. Okay. Dans le fond, tu sais, comme quand tu joues aux Sims, là, tu veux mettre un nouveau plancher ou tu veux, tu sais, ça te coûte des Sims Léon, là. À chaque fois que tu voulais customiser quelque chose de plus beau, de meilleur pour ton jeu en tant que tel, fallait toujours payer, là. Ben, c'est ça. Fait que, mettons, fallait t'acheter de l'argent du jeu, des choses comme ça. C'était principalement axé sur pour les enfants aussi, des choses comme ça. Fait que ça fonctionnait pas. Nous autres, on est habitués au mode payant dans les jeux mensuellement, des choses comme ça. Tandis que ça, en tout cas, ça... Puis je pense que c'est ça qui a amené à un terme là, du jeu. Si tu possèdes déjà le jeu Project Sparks, tu peux continuer à l'utiliser. Il sera plus... il sera plus entretenu, mais tu peux continuer à l'utiliser quand même. Mais si tu fais comme « Oh non, Project Spark, je vais aller me l'acheter! » tu peux pas. C'est vraiment fini. Donc voilà, moi c'est ce que je trouve dommage parce que j'aurais aimé ça qu'il soit plus mis à l'avant. C'est comme une perle qu'on perd un peu, là. C'était quand même assez original. Mais... Je comprends, mais moi je l'utilisais pas, je le connais pas trop, là. Ouais, ben c'est ça. C'était pour les gens qui aiment les simulations, qui aiment les constructions, les jeux de construction, les choses comme ça. Puis c'est ça un peu. Puis ça me fait penser aussi à Disney Infinity. C'est un petit peu le même principe avec les figurines, là, à la Skylanders. Ça aussi, c'est mort, malheureusement. Fait que, voilà! Sinon, on avait aussi un autre sujet qui était les filles qui commencent à se splasher sur Twitch. Ben là, j'écris quoi, moi, dans le plan? Attends, on va faire une démonstration. Oh oui, ben oui, Anne-B, vas-y. Kathleen, je te laisse. Non, là, j'ai dit en premier. Non, mais plus sérieusement, il y a un gars sur Twitch qui est quand même assez connu, je me sais plus de son nom, je suis pas sûr l'important. Il décide d'inviter une fille pour streamer avec, OK? La fille, en dedans de... Tout de suite, quand il l'invite, lève son chandail et il voit les tits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est moi ou de plus en plus les filles utilisent leur atout? Parce qu'ils s'en foutent, ils se font juste genre bannir 30 jours puis ils reviennent. Ça leur fait de la publicité, ça leur fait des vues. À quoi ça sert de devenir une cam war maintenant, d'utiliser des sites? C'est ça là! Juste pour espérer d'aller voir leurs boobs, espérer d'avoir la chance de voir leur sein une fois de plus. C'est quoi que Francis a dit? Écoute! Tu peux-tu nous traduire qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il devrait y avoir sûrement plein de gars qui vont être là en espérant de leur côté, être toujours là, toujours espérer. Ouais, il y a juste Madame Zoom qui flash les boobs. Ouais, Madame Zoom, elle fait son live, elle, pour de vrai, hein, guys. Mais sérieux, combien de personnes vous croyez qui vont être là pour la suivre, pour espérer qu'elle les montre encore? Plusieurs. Puis si on regarde ça aussi, là, les filles, là, au lieu d'aller se montrer toutes nues sur des sites internet, là, ils vont commencer à streamer, ils vont commencer à être un peu plus dénudés, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Puis ils vont se faire plein de dons. Là. Écoute, la fille, ça se fait bannir pour 30 jours, mais qu'elle reçoit plein de dons, elle dit « OK, à la fin de la soirée, je vais, si vous me donnez 500$, je vais me faire bannir 30 jours. » Tu sais, en tout cas. Ouais, ben aussi c'est mon avis, là, mais moi, je trouve que c'est rendu un peu trop haut. Ouais, ben aussi, là, qu'est-ce que je voulais mentionner aussi, c'était que l'affaire, c'est que les streamers vont streamer. Puis comme là, elle était dans une équipe avec juste des gars, là, puis elle joue online. Puis ils font à croire que « Oh, oups, je pensais que j'avais turné off ma cam. » Ouais. Puis si on parle de Legendary Léa, qui est légendaire pour ça, là, elle était vachée. Puis là, elle va juste se chercher, elle s'étire pour aller chercher son verre d'eau, puis là, oups, elle se flash l'entrejambe. Ou elle se met une jupe vraiment trop courte, se lève, fait un petit twist sur elle-même pour que la jupe lève, puis oups! Ben, tu sais, c'est ça, là. T'as raison, Phoenix. Il y a des années que des filles sur Twitch portent des décolletés sans fin, sauf que ça a été quand même réglementé pour faire en sorte que ce soit plus sévère qu'avant. Même les hommes n'ont plus le droit de streamer sans chandail, là. Ouais, c'est légal. Avant, c'était pas ça. Fait que ça, c'est quand même bien. Mais... Par contre, il y a souvent des laissés-passer. Oh, ouais. Legendary Léa qui revient après 30 jours après s'avoir montré la poussie, là. Ouais, ben, je l'ai vu, mais sérieux, j'ai pas vu grand-chose. Non, mais mets-toi des bobettes, je sais pas, là. Ah non, c'est sûr. Tu sais que t'as des culottes tellement courtes, tu vas pas te lever les jambes, je sais pas. Écoute, moi, les seules fois que je stream pas de culotte, là, c'est quand je streamais chez nous dans mon salon, ce qu'on voyait pas le bas. Ben moi, je pense que le plus que j'ai fait, j'étais au podcast de l'épée légendaire, puis j'avais mis mon pantalon. C'est parce que j'ai un pantalon jogging qui est comme multicolore. Écoute, il est mauve, rose, bleu, noir, là. Puis il y a des motifs. Écoute, ça, tu le regardes, t'as mal aux yeux. Puis je m'étais levée pour arranger un truc derrière moi. Puis je pensais que j'étais hors champ de ma caméra. Puis j'ai fait « Non, dis-moi pas que j'ai montré ça! » mais c'était drôle, là. Moi aussi, j'étais là. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Ça, c'est drôle. Puis, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, mettons, comment qu'on dit? Quand t'arrives, moi, mettons, je sors de la douche, je suis dans ma chambre, je me savette sur la tête, puis moi, j'ai une amie, mettons, qui m'appelle sur Skype. Ben, là, moi, j'avais cliqué juste sur le téléphone, j'avais pas cliqué sur l'image. Puis là, puis quand elle a répondu, elle a répondu avec sa caméra, ça m'a traumatisée. Puis elle me regarde, puis elle dit rien. Là, je suis comme... T'as peur, là? J'ai-tu ma caméra on? Elle dit non. Pourquoi? J'ai dit crime. J'ai dit parce que je sors de la douche, tu sais. Elle fait ah, dégueu. Mais tu sais, mais j'ai fait le saut. Fait que faut tout le temps avoir. Moi, je crois pas à ça qu'une fille est dans son salon chez elle, puis qu'elle pense pas à ça. C'est impossible. Puis chez nous, là, on n'est pas. Tu sais, on bat pas les portes, là, quand on va à la salle de bain, whatever. Puis je veux dire, je suis pas quelqu'un de hyper. Tu sais, moi, je m'en fous carrément. Puis je veux dire, j'y pense, là. Fait que, tu sais, je crois pas à ça, là, que. Que ah, sans faire exprès. Puis que Twitch qui banne pour 30 jours juste pour ça. Tu sais, en tout cas. Non, ça devrait être plus que 30 jours rendu là. Ouais. Mais comme Cédric Leblanc dit, c'est vrai, même si elle était drunk, on s'en fout, là, on s'entend qu'elle a dit que les enfants qui ont le cancer méritent même pas de vivre. Fait que des trucs du genre, là, tu vois que c'est pas la première fois qu'elle dit des conneries. Puis qu'elle est drunk. Fait que Cascam avec ça, peut-être, si elle n'est pas capable de le tolérer en live. Sinon, aussi, comme tu dis, oui, c'est vrai, elle a été débannie parce qu'elle fait beaucoup d'argent et tout. Puis pas juste ça, son chum aussi, c'est un gros streamer. Fait mais c'est quand même plate. Comme là, encore une fois, c'est un signe de favoritisme. Ben, c'est parce que c'est pas ça. C'est que qu'est-ce qui arrive avec Twitch, là, c'est qu'ils sont jamais en train de regarder qu'est-ce qui se passe sur leur chaîne. Non, mais les rediffs sont là, puis le monde ont sûrement tout, tu sais, chialé pour ça. Ça s'est ramassé partout, même sur Reddit, etc., là. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, exemple, moi, j'ai eu un problème sur ma chaîne, OK? En tout cas, à l'hiver passé, là, j'ai eu des menaces, etc. Enfin, j'ai contacté Twitch. Ben, ils ont rien fait parce qu'ils se foutent carrément de ma chaîne, vous voyez. Mais ça dépend, parce qu'encore une fois, c'est du favoritisme. Une grosse chaîne avec des millions d'abonnés puis qui leur rapporte de l'argent, je suis certaine qu'ils vont aller voir tout de suite. Ben, c'est ça. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire. C'est que Twitch, là, ils ont comme. Je pense qu'ils ont juste pas des équipes pour s'occuper des chaînes. Il y a des chaînes, là, tu sais, il y a des... Tu sais, on parle des filles qui vont... Les streamers qui vont se flasher, mais il y a également des streamers, là, qui vont... Tu sais, qui acceptent des dons en insultes, là. Tu sais, que, genre, ils reçoivent plein de dons un après l'autre, puis les messages dans les dons, c'est juste des insultes, puis là, ils font semblant de pleurer, là. Oh, ouais. Tu sais, Mais rendu ridicule. Là, ils dépassent quand même pas les droits. Ils ont le droit de pleurer pour faire semblant. Je sais, mais c'est ridicule. Là. Ça, c'est un freak show. Moi, il me semble, je serais une employée Twitch, je verrais ça, puis je fais comme non, je veux pas ça sur ma chaîne. Ben non, ils s'en foutent. Ça rapporte de l'argent. Ouais. Les gens s'abonnent, les gens veulent voir. Check Casey Tron. Au début, j'étais comme, arc! J'ai commencé à l'écouter, OK? Je suis rendue une fan de Casey Tron. J'étais comme, check là qui se montre les titres. Je comprends pas c'est qui cette fille-là. Les conneries qu'elle dit, elle dit qu'elle est la meilleure gameuse. Mais en l'écoutant, on se rend compte que c'est une troll intense. Puis j'ai fait des recherches sur elle. Puis avant, c'était une streameuse comme les autres qui n'était pas connue. Elle a commencé à faire ça. Elle s'est faite connaître. Elle a eu des followers. Elle a pogné le partenaire. Depuis ce temps-là, elle se fait plein de cash juste à se faire dire des niaiseries. Mais tu sais, t'es-tu heureuse là-dedans? T'sais, moi, elle affirme que oui, parce qu'elle dit n'importe quoi, puis elle se prend pas au sérieux, puis elle gagne du cash. Eh bien, avec ça, elle. C'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est pas tout le monde qui... Ouais. Moi, je tripperais pas personnellement. Mais elle, ça semble pogner, puis elle semble avoir plein d'abonnés, puis elle est capable d'avoir du monde qui vont payer par mois pour continuer à l'écouter. Ouais, ça, j'avoue que cette fois, elle est comme assez drôle. Mais aussi, tu sais, moi, je sais que moi, je le fais... Toi, je sais pas. Je sais que d'autres streamers le font. Je les nommerai pas, là, parce que là, je sais pas si ils veulent en parler. Mais nous autres, il y a des streamers, en tout cas, moi, j'en fais partie. Avant d'aller live, de un, ne mets jamais de chandail vert quand tu utilises un green screen. De deux, moi, je regarde, des fois, je mets des choses. Moi, ça m'est arrivé, là, j'avais mis une robe. Puis la robe, là, j'avais des bretelles, là, mais quand même assez épaisses. Mm-hmm. Puis la façon que mes cheveux tombaient, ils tombaient dessus, puis je me voyais à l'écran, là, j'avais l'air tout nu. Parce que tu voyais... Sauf que tu t'es quand même relevé, puis t'as quand même été changé, je suis sûre. Ben oui, oui, oui. J'ai dit, aïe, aïe, j'ai dit, je mets ça sur pause 2 secondes, puis j'ai enlevé ça, j'ai mis un t-shirt, j'ai mis un jogging. Mais, tu sais, c'est... ouais, Andrés, il a raison. Questron fait une job d'humoriste, c'est vrai. C'est une entertainer. Puis... Puis, tu sais, c'est des affaires de même. Il y a beaucoup de streamers que on va... Néo qui dit, si tu mets un chandail vert, on verra pas tes seins, ça, c'est sûr. Mais qu'on va mettre des t-shirts. Tu sais, des t-shirts, là, des necks, là. Tu sais, des t-shirts, des vrais t-shirts, là. Des Fruit of the Loom, là. Mais, tu sais, pour tout te cacher, parce que, de un, tu veux pas te faire spammer boobs dans ton chat, tu veux pas... Fait que, tu sais, il y a tout ça, là. Ben, fais juste checker sur ma chaîne à moi, OK? J'ai comme une image, où est-ce qu'on voit un peu le décolleté, j'ai comme un onesie. C'est un dessin, une image. Quelqu'un qui est déjà venu dans mon stream, il dit « Mon Dieu, il dit, il manque quelque chose que t'as sur ton image, là, quoi. » Il dit « T'as pas le décolleté qui vient avec. » J'étais comme « Wow! » Je le sais, peut-être qu'il troll ou... Mais t'sais, c'est... Ouais. Ben, ça, quand t'es une fille, quand on est une fille puis on stream, on n'a pas le choix, il va y avoir des trolls de même, c'est genre « Ah, mais gars, tu sais, de tes boules. » Moi, je suis chanceuse parce que quand j'ai un minimum de décolleté, j'ai le micro qui est droit en avant. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai... Mais tu sais, ça dépend aussi comment est-ce qu'on est fait. Comme je dis, moi sur ma... Ouais, ben, mon troll a pas tort. Tu veux de la porn, ben, tu googles. La Google. Il y a des places pour ça. Puis, tu sais, je comprends aussi, mettons, Twitch, on va se le dire, la majorité vont être sur... vont être... c'est des gars. C'est faut se le dire. C'est normal. C'est le même que c'est. Puis là, ils ont... Ils tombent sur plein de streams, Legendary Léa, ou en tout cas plein d'autres, là, avec des noms décolletés, qui ont eu une carrière avant Twitch de camgirl ou whatever. Ouais. Puis là, ils tombent sur des gameuses comme nous autres, des vraies gameuses. On game pour vrai, on est vraiment hardcore pour vrai, puis on a des stats ou whatever. Fait que, tu sais, mettons, toi, t'es en train de jouer à Call of Duty, là, puis t'es nook. Genre, puis là, t'as un gars qui est là, boops, boops, boops. Voyons, tu sais, yeah, prends 2 secondes, regarde le chat. Regarde la gameplay de la fille, tu vas voir qu'elle est legit. Tu sais? Fait que là, tu sais, il y a plein d'affaires que. Ouais. Tu sais, il y a plein d'affaires qu'il faut voir. Tu sais, mettons, le gars, il est habitué de voir juste des. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui jouent la carte gameuse, mais qui ne le sont pas pantoute. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là. Puis ça nous nuit énormément en tant que filles sérieuses, là. Fait que, hey, c'est Tigidou! Mon Dieu, bienvenue Tigidou! Okay. Ouais, ouais. Fait que c'est environ ça, selon moi, pour les filles pis les tits. Sinon, je pense qu'on a un dernier sujet, rapidement. C'était face au traducteur, c'est bien ça, hein? Ah oh, oui! Faut pas l'oublier, celle-là. C'est notre petit dernier. Le dernier sujet, on trouvait ça quand même intéressant parce que c'est peut-être pas rapport nécessairement au gaming, mais ça pourrait être intégré à long terme, en tout cas. Ouais. Tu joues en ligne, là, puis t'as ça. Mais explique-nous c'est quoi. Ben, en fait, c'est un truc que tu mets dans tes oreilles. C'est comme un écouteur interne, si tu veux. Mm-hmm. Puis, voyons, comment je peux dire ça? Tu mets dans ton oreille. C'est un écouteur d'oreille interne, puis tu mets dans ton oreille. Écoute, hein, mm-hmm. on se peut plus. Ça pite, ça pite! Puis, dans le fond, quand la personne te parle, t'entends automatiquement dans ton oreille qu'est-ce qu'elle dit. Oui. Qu'est-ce qui serait très intéressant quand tu écoutes des traductions simultanées au Chambre des communes. Wow. Mais à télé, mais c'est ça. Fait que dans le fond, ça te permet d'avoir une traduction simultanément. Et puis, je sais pas le nom. C'est fait par Waverly Labs. C'est Waverly Labs, mais en tout cas, si ça n'en dit pas plus, là, mais... C'est ça, c'est... Ben, c'est-tu le nom de l'item? On pourrait l'envoyer dans le chat, regarde. Ouais. Guys, si vous voulez voir de quoi qu'on parle, là, c'est ça ici. Et ouais, Tigidou, c'est un phénomène de foire qui est derrière moi. Mais moi, ma question que j'ai face à ça, c'est que présentement, c'est un prototype. Est-ce qu'on sait jusqu'à quel point ça va bien? Parce que présentement, si on veut l'essayer, il faut payer 179$. Est-ce ouais, qu'on ben prend c'est... la chance de l'acheter, de l'essayer, voir si ça marche bien ou non? Imagine si ça marche pas bien, te payer trop, mais imagine si ça marche extrêmement bien, ils vont monter les prix, là. Est-ce que toi, tu serais du genre à essayer si t'aurais un petit peu de lousse? Ben, présentement, moi, personnellement, j'ai pas les besoins pour ce genre de produit pour le moment. Okay. Je sais que... Par exemple, pour nos parents qui parlent pas anglais, ou tu sais... Ouais, ben, il y a ça. Mais moi, je vais parler d'une affaire, c'est que moi, j'avais rencontré, dans un jeu vidéo, j'avais rencontré un gars. Le gars, il est suédois. Puis on s'entendait mm-hmm. super bien, puis tout ça. Puis on parlait tous les deux en anglais. Puis... des fois, il me le disait, il dit, c'est vraiment plate parce que il dit, mettons, on game, puis whatever. Et il dit, moi, il dit, des fois, il dit, mettons, je suis fatiguée, écoute, je suis tout croche en anglais, puis c'était plate à cause de ça. Fait que si, okay. Mettons, j'avais eu ce produit-là, mettons, j'aurais dit, ben écoute, moi, je vais aller acheter ça, puis écoute, on va se parler en suédois, tu sais. Fait que, tu sais, ça l'aurait fait. Ben, lui, t'aurais parlé en suédois, mais toi, il aurait fallu que tu parles en anglais, là. Ben non! Lui, il me parlerait en suédois. Moi, j'entendrais ouais. en anglais ou en français, peu importe. Ça va transcrit. Moi, je parlerais en français, puis lui, de son côté, il entendrait en suédois. Fait que tu parles dans ta langue, puis... Mais tu sais, c'est ça. Puis aussi, on avait eu des problèmes quand moi puis lui, on se parlait. Il s'appelait Alexander, puis mettons, moi, je disais quelque chose. Mettons, je disais... En Suède, ils n'ont pas même le concept de « peut-être ». Eux autres, c'est blanc ou noir, dans le fond. Okay. Fait que moi, je disais, mettons, quelque chose comme « Ah, oh, ça se peut que je fasse ça », tu sais. Mais ils comprenaient pas ce concept-là, genre. Fait qu'il y avait, il y avait des bugs sur ça. Comme en Suède aussi, ils vont... mettons qu'ils raccrochent au téléphone, là, ils ont fini de parler, ils raccrochent. My t'sais, God, pas de bye. Ben c'est ça, tu sais, nous autres, on fait comme on va dire bonjour. Mais on rendu là, c'est plus... la façon de vivre d'une personne, ses habitudes oui, du pays, là. Mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que vu que dans leur vocabulaire, t'as pas de... Voyons. Vu que le concept de peut-être existe pas, moi, quand je parle au peut-être, au conditionnel, ça se serait transféré dans la traduction où lui, ouais. il m'aurait dit « Hey, ça s'est mal traduit, c'est quoi t'essayes de me dire? » Fait qu'on aurait... Tu sais, on aurait pu parler de ça. Fait que, tu sais, ça peut aider de ce côté-là. Puis il y en a qui parlent que Google offre des bots pour ce genre de choses-là. Mm-hmm. Oui, par exemple, le produit que propose Waverly Labs, c'est parce que c'est simultané. Ouais, ouais. C'est quand même assez dispendieux, c'est très sérieux, puis c'est simultané. Moi, je pense que ce produit-là va voir le jour, j'ai très confiance, mais je pense que ça va aller dans les... tu sais, là, les congrès, comme les ONU, là. Mettons, t'as 50 personnes de 50 pays différents. Ces personnes-là, ils ont des écouteurs, mais ils ont un traducteur humain qui leur dit. Okay. Mais quand ces gens-là, mettons, vont au restaurant ou vont à leur hôtel, ben, ils se ramassent tout seuls, tu sais. Fait que là, ça serait utile pour ça, pour les gens qui travaillent dans des situations comme ça. Fait que moi, je pense que le produit va aller dans ce domaine-là. Il va se prouver avec ça, puis après ça, après quelques années, nous, simples consommateurs, on pourrait l'avoir à une version plus cheap. Moi, ce qui me fait peur, c'est si c'est trop utilisé à long terme, est-ce qu'on va arrêter d'étudier les langues? Est-ce qu'on va seulement qu'avoir une petite chose, encore une fois, électronique, puis plus besoin d'apprendre? Non, peut-être mais qu'on va avoir juste une langue, les professeurs d'école, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais ouais, pas, moi, non, on dirait c'est que ça, c'est à long terme, c'est quelque chose qui pourrait me faire peur, là, mais... C'est sûr qu'on peut aller... tu peux comment je peux dire? Tu peux aller à l'extrême en disant que, oh mon Dieu, cette machine-là va faire en sorte que les traducteurs, ils n'ont plus de job. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, moi, je pense... loin. Ben, c'est ça. Moi, je pense que présentement, il y a déjà des outils du genre qui sont utilisés, des espèces de traducteurs simultanés ou des choses comme pour, mettons, les personnes malentendantes, des affaires comme ça. Mm-hmm. Ça, je peux comprendre. Je pense pas que ça va remplacer l'humain, mais là, peut-être dans 50 ans, là, quand on va avoir des robots, là, mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas que ça va remplacer des vrais traducteurs. Je pense que ça va être un moyen de pour te dépanner. Comme mettons, là, que toi, là, t'es en couple avec quelqu'un, puis là, la personne, elle se fait offrir un contrat pour aller travailler 2 ans au Népal. Mais toi, là, t'as aucune idée c'est quoi le Népal, là. T'as raison. Là, les premiers 2-3 mois, là, t'es même pas capable d'aller faire ton épicerie parce que tu comprends à rien. C'est vrai. Parce que c'est pas toi qui as décidé d'aller là. C'est plus facile qu'un dictionnaire en plus, là. C'est ça. Fait que là, ça te permet de te dépanner. Puis là, quand t'es adapté à ton environnement, là, ben, tu sais, tu vas essayer d'apprendre la langue. Là, tu sais, parce que t'es une personne, je veux dire... Ça pourrait être utile aussi pour les personnes qui veulent apprendre autodidacte. C'est ça. Mais c'est sûr que tu vas avoir du monde qui vont faire « Ah, oh, je m'en sac, je vais juste mettre mes écouteurs, je m'en fous. » Ça, je veux dire, gars, ça t'appartient. Mais... Oui. Tu sais, ça peut aider à l'adaptation, ça peut aider à de l'acclimatation, ça peut, tu sais, ça peut faire plein de choses. Puis comme moi, là, moi, je viens de l'Ontario, puis j'ai vécu en Alberta, j'ai vécu, en plus, j'ai vécu pas loin de où qu'il y a eu les feux, là, puis tout ça, avant. Mm-hmm. Puis après ça, on est arrivé au Québec, j'étais super méga jeune, OK? Mais quand je suis arrivée au Québec, là, je comprenais fuck all de l'anglais, là. Parce que quand je suis arrivée au Québec, on est arrivé au Saguenay. Les Français, là, parler au Saguenay, là, cher, là, il est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui a vécu toute sa vie en anglais, là. T'sais, moi, je parlais un petit peu anglais, français. Ouais. Je comprenais, mais moi, ma famille, elle vient de Montréal, ils ont un accent de Montréal, puis là, j'arrivais dans une région qui utilisait des mots. Tu sais, là-bas, là, au Saguenay, là, un évier, ça, c'est un signe. Là, toi, t'es, ouais, moi aussi, c'est un signe sur la Côte-Nord. Tu sais, puis t'as des coteurs, puis t'as des fossés, t'as des coulées. Les coteurs, ça m'a traumatisée. Ben, tu sais, t'as plein de choses comme ça. Puis en plus, au Saguenay, ils parlent toujours, toujours au futur. Fait que si, mettons, ils vont te dire, mettons, tu m'apporteras telle affaire. Ça veut dire lève-toi, puis va me le chercher, puis apporte-moi là tout de suite. Ouais. Mais quand t'es quelqu'un qui vient d'une autre langue, puis que le français, il est comme pas full, là, ben, t'sais, tu sais, t'arrives, puis tu comprends pas, là. Moi, là, mettons, mes professeurs, ils disaient, OK, vous ferez tel exercice. OK, je vais le faire, cet exercice-là, dans un futur. Genre, tu sais, moi, je comprenais pas, là. Fait que... Mon troll trouve que ça paraît que t'as l'accent du Saguenay. Ouais, ben il dit ça pour faire chier parce que en fait au Saguenay, je me fais dire tout le temps que je me fais toujours demander si je viens de Montréal, puis ça fait combien de temps que je demeure au Saguenay. Donc beaucoup à chaque fois, puis c'est bizarre, il le dit uniquement quand j'ai dit que je demeurais au Saguenay. Il l'a pas dit avant. Vous que t'essayes de forcer ta langue là. Non, non, pas du tout, pas du non, tout. Non, c'est une blague. Non, non, non, mais c'est normal là, mais ça il y a beaucoup de gens qui vont dire ça. Genre, ils disent ça parce qu'ils veulent faire chier absolument, là. Mais... Hey non, c'est pas méchant, c'est drôle. Ouais, ben OK. C'est, on va dire que c'est drôle. Mais non, là, parce que... c'est beau! Puis, non, moi, je suis pas d'accord. Mais tu sais, c'est parce que c'est quelque chose qui m'appartient pas. Mm-hmm. Moi, je me fais dire, dans ma vie quotidienne, je me fais tout le temps demander où est-ce que je viens. Ça fait combien de temps que je vis ici, donc non, ça m'appartient pas du tout. Par exemple, moi, j'ai des amis du Saguenay qui vont streamer, puis... ils vont se le faire dire. Genre, « Hey, mon Dieu, tu viens du Saguenay? » Ou genre, mettons, « Ah, tu viens de la Gaspésie? »« Ah, ben non, c'est juste mon père qui vient de la Gaspésie, tu sais. » Quand tu le dis, genre, tout de suite, en partant, parce que quand quelqu'un a un accent, tu le dis. Comme exemple, moi, je dis une baleine. Une baleine? Tu vois? Non! Toi, tu vas le dire comme les gens au Saguenay. Moi, je suis pas capable de le dire comme ça. Puis un poteau. Un poteau. Ouais, c'est ça. Toi, tu vas le dire comme en deux mots, genre. Fait que... Ah, question qui dit, l'accent du Saguenay, ça prend des là, là. Oh oui! Mais... Ça en prend beaucoup, là, là. Ouais, ben, gars, je vais donner un exemple, OK? On va parler de ça, c'est vraiment drôle. Au Saguenay, là, dans mon quartier, vraiment, là, les gens, là, la couleur rouge, ils vont pas dire rouge, OK? Ils vont dire rouge. Ah, moi, je dis pas ça, c'est drôle. Rouge. Oui, mais c'est ça. Mais si tu vas, mettons, au Lac-Saint-Jean... qui n'est pas au Saguenay, mais qui fait partie de la région du Lac-Saint-Jean, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens, là, ils vont pas dire ça, là, rouage, OK? Mais moi, où est-ce que je demeure, je vais pas dire mon quartier, là, mais où est-ce que je demeure, les gens vont dire rouge. Ben, t'as peur, faut que je me force. Rouage, au lieu de rouge. Puis ça, c'est sérieux, là. Ben, c'est ça. Moi, je dis arrête. Arrête. Non, arrête. OK. Un arrêt de poisson. Moi, je dis un arrêt de poisson. L'armahel, salut. Puis, mettons, un arrêt stop. Moi, je dis arrête. Mm-hmm. Fait que... Moi, je dis un arrêt. Puis, mais des fois, je dis arrête. Ou des fois, je dis arrête. Ça dépend. Ça dépend. Un arrêt de poisson. Ou ben non, je te dis oh, arrête. Arrête. Arrête. Mais tu sais, il y a des affaires de même. Puis, oh mon Dieu. Moi, une affaire que j'ai traumatisée au Saguenay, moi, je dis une poilonne. Toi, tu dis-tu une poilonne? Tu dis quoi? Une poilonne? Ouais. Moi, j'ai une chasse-peinte. Non, mais mettons que je te dis une poilonne, là. Tu sais-tu de quoi je parle? Ben oui, c'est un petit poilon. C'est comme pour mettre tes œufs, pis faire de même, là. Ben c'est ça. Ça, au Saguenay, même, ça existe pas. Ah ouais? Je te jure. Sérieux? Oh mon Dieu, le petit Guidou va se connecter sur votre live. Vous allez voir c'est quoi parler en cheval. Ben, maison. Ah oh, oui. C'est vrai que petit Guidou, il est bon pour ça. Ah, Nematic Mango, merci pour le follow. C'est qui a dit que j'avais un... Salut, Nematic Mango! Il est cool, lui. Il est modo, ce machin. C'est mon troll qui dit que j'ai un accent du Saguenay, OK. Ouais, c'est ça. Mon troll, là, ben dans le fond, il ne doit pas connaître c'est quoi l'accent du Saguenay. Fait que ça serait vraiment drôle, mettons, que Tiguidou, il nous montre c'est quoi un accent du Saguenay. Parce que Tiguidou, il l'a. Il l'a vraiment. Ah, tu es en Ontario! Sinon. À part de ça, vous... Est-ce que toi, Catless, par exemple, on a fait pas mal le tour de tous nos points. Hein? Ça a quand même pris 2h39 déjà. Wow! Ça a fait quand même pas vite, hein? Ben... Tu disais vers 4h. On approche le 3 pour terminer ça. Carl Delta, merci beaucoup pour le follow. Oui. Très gentil, très apprécié. Qu'est-ce qu'il nous restait à faire maintenant? C'est de savoir, toi, Catless, qu'est-ce que tu prévois faire cette semaine? Je vais t'interrompre. Quoi? Mon troll qui parle d'un panel. Oh my God. Ça, là, c'est un truc que j'ai appris au Saguenay aussi. Genre, c'est comme un... Une panel? C'est un char? Non, mais nous autres, là, moi, là, d'où ce que je viens, on appelle ça un Econoline. Un quoi? Econoline. Oh, j'ai aucune idée c'est quoi. Ben, c'est le vrai nom en anglais d'un panel. Sérieux? Moi, j'appelle ça une panel aussi. Ben, si mon troll, il parle d'un véhicule fait sur le long, là, une espèce de vanette faite sur le long, là. Mm-hmm. Fait que Tiguidou, c'est le trio solide avec Belly et Kira, ouais. Mais... Une chaillère, c'est quoi ça? Aucune idée. Oh my God. Mais c'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Mais par exemple, mais moi c'est drôle parce que le char des kidnappeurs, les Econoline. Ouais, Crystal, il sait de quoi je parle. Mais au Saguenay, les gens appellent ça un panel. Puis c'est comme un sac de sport, là. Ils disent un snatchel. Vous voyez, moi aussi, je dis un snatchel. Oh, j'ai jamais entendu ça, moi. Oui, l'on play Paragon, l'arme Raël. OK, j'ai massacré son pseudo. Fait que c'est quoi le jeu que tu vas jouer cette semaine, toi? Oh my God! Je vais continuer Uncharted, ça c'est sûr. Puis je crois que je vais m'essayer sur Hitman. Oh! Tu l'avais déjà essayé, je pense, hein? Oui. C'est parce que Hitman, c'est... Ben, dans le fond, c'est comme une... Ben, je sais pas si c'est une mode, OK? Mais c'est un full jeu. Okay. Mais il est quand tu l'achètes, il est comme il t'est comme envoyé en épisode. Oh non, ça c'est plus tannant là. T'es comme je veux le finir. Ben non, parce que dans le fond, Hitman il est envoyé sur des missions. Fait que t'as comme ta première mission, t'explores cette place là, puis un coup que t'as fini de l'explorer, tu passes à l'autre. Puis moi je suis tellement mauvaise, puis je connais tellement pas ça le jeu que ça me prend tellement de temps à le faire que j'ai ma deuxième mission de loader, puis je peux même pas la jouer encore. My God. Fait que... Nice. Ouais. Puis, mais c'est ça. Puis, je vais-tu jouer à d'autres choses, à ta peur, là? non, je pense que je vais... Ça va être... Mais ça, c'est si je suis capable, parce que là, ça... Hitman, c'est assez spécial comme jeu. Puis, je suis pas vraiment une personne qui est très... Moi, j'étais un petit peu fonce dans le tas, fait que j'ai de la misère pour ça. Ouais, je te comprends. Faut être subtil, etc., un peu à la Splinter Cell. Ouf! Ouais, ben Splinter Cell, en fait, en plus, là, je pense que maintenant, t'es capable de jouer de la façon que tu veux. Tu peux jouer stealth, puis tu peux jouer... Ah, quand je jouais au premier Xbox, il fallait prendre quelque chose, tirer ça sur le mur, essayer d'être subtil, se cacher un peu. Urgh. Mais ça, là, c'est pas mon genre. Tu caches ton cadavre, là, puis genre, il découvre tout le temps. Quand même, tu le caches super, fait que c'est ça. Ouais, ben Crystal a raison aussi. Dans Hitman, quand tu fais ta mission en plus, il faut que tu la refasses de plein. Fait que, mettons, t'as tué ta personne, tu l'as empoisonné, mais là, après ça, faut que tu l'étranges. Après ça, faut que tu. Hey, ça finit plus, là. Moi, je suis comme. Écoute, j'ai de la misère à juste trouver une façon de le tuer, mon gars, là. Demande-moi-en pas trop. Bon. Fait que c'est ça. Pis toi, pis toi. Moi, de mon côté, ça va être Dead by Daylight. La bêta, je vais en profiter pendant qu'elle est justement utilisable pendant quelques jours. Je pense pendant une semaine et demie encore. Pour ceux qui veulent l'essayer, regardez, je vais encore vous envoyer le lien. Des fois, vous pouvez vous y trouver une bêta sur ce site-là. Tout! Donc, vous pouvez essayer de trouver la bêta ici, de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est disponible à quelques fois, mais les gens se dépêchent d'aller l'utiliser, d'aller chercher les bêta keys puis se les entredonner. Sinon, moi, je m'en vais streamer ça, justement. Après le stream qu'on a ici, je vais faire une petite game de ça. Je vais jouer sur mon live. Puis je vais avoir une clé aussi à faire tirer. J'en ai une de plus que LMTL m'a donnée. Je vais vous envoyer plus tard sur ma chaîne, justement, mais... le lien de sa chaîne. Là, je ne ferai pas ici. Moi, j'ai une petite question, par exemple. Oui. Le jeu, là, moi, je comprends pas trop comment il marche. Mettons que t'as une clé, là. Bêta, yep. Est bonne combien de temps? Parce que là, je pense que c'est la deuxième que t'as. Ben, c'est bon jusqu'à... Moi, c'est toujours la même. C'est bon jusqu'à la sortie. Là. C'est parce que j'en ai plusieurs, puis j'en ai donné, j'en ai fait tirer, etc. Check Back to J&D l'a eu aussi tantôt. Ooh. Ce qui est cool avec ça... Est-ce que t'as vu un peu c'était quoi? Oui, je t'ai vu le streamer. On est un tueur ou un survivant. Oh, dans le forêt, puis la nuit. Hurlerait. Ça serait nice! Hey guys, dans le chat, là, qui c'est qui est-ce qui pense que ça serait drôle de voir Catelyn hurler à ce jeu-là? Non. Faut qu'on lui trouve une bêta. En fait, là, quand t'as streamé Until Dawn, moi j'étais avec toi jusqu'à 2h du matin. Ouais, t'avais resté longtemps. Puis j'ai fait... Je fais pas de jumpscare. Non? Non. J'ai fait, je pense j'ai fait un... Check dans le chat! Ben les oui! Gens veulent te voir hurler, Catless. Ah, ok, non, je pensais que tu parlais de Tigidou qui disait qu'une chaillère, c'est un sio ou un seau. Ah, moi, nous autres, chez nous, on dit une chaudière. Oh, une chaudière! Pas une chaillère. Ah, oh, une chaudière, check, c'est quoi? T'as-tu vu, tout le monde, il veut que tu y joues? Il faut que tu trouves une clé qu'on y joue ensemble avant que ça soit plus disponible. Moi... Parce que je pense pas que tu irais l'acheter, mais au moins l'essayer en béton. On fera un live ensemble, ça serait vraiment nice. Ah oh, non, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment, là... Oui. C'est à cause que moi, ces jeux-là, ça me... Moi, je serais vraiment pas drôle. C'est que moi, je prends des... Ben, j'étais assez dramatique. Tu l'as vu tantôt, mon troll qui disait que j'avais un accent de Saguenay, puis clairement, c'est un troll. Tu sais, il trollait, puis je l'ai pris vraiment au sérieux. Je suis comme ça. Fait que je sais très bien qu'en live, je vais comme faire... Oh non. Mais c'est quand j'ai fait un jump scare... J'ai fait un jumpscare à Uncharted, OK? Oh my god! Oui! Ben, c'est parce que j'étais concentrée sur un truc, puis il y a comme un méchant qui est arrivé de nowhere. Tu sais, c'était même pas fait pour être un jumpscare. Puis, comment est-ce que je disais? Oh non, on entend mon chien. Vous me le direz si vous entendez mon chien. On l'entend pas. OK. Puis, c'était même pas fait pour un jumpscare, mais j'ai vraiment fait un saut comme ça. Puis j'ai crié. Mais normalement, là, comme quand t'as fait Until Dawn, j'ai zéro pu me barre, fait jamais de jumpscare. Puis toi, t'en faisais, puis tu m'en faisais même pas faire. J'avais mes écouteurs, là, puis je capotais de mon côté. Ben, c'est ça. Moi, je suis là, puis je reste comme... Sérieusement, je serais vraiment plate, là. Mais oui, je suis mamoune, ça, c'est sûr. Moi, je suis curieuse, par exemple. Moi, là, les jeux épeurants, là, je suis comme « Ah, là, non! » Puis je capote, là. Oui, ben toi, t'es le fun. Puis... Écoute, juste quand je suis dans l'eau, je capote dans les jeux, parce que j'ai peur d'avoir une bébite. Depuis les jeux de Mario Bros, qu'il y a un poisson qui te court après, je trosse plus l'eau, là. Oh oui, puis Yoshi, c'était pire. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, toi, ton point, tes points forts dans les jeux, c'est les jeux de tir à première personne, les jeux d'horreur, les jeux survival, là, tu sais, les jeux stressants. Puis c'est le fun, parce que c'est le fun de te voir le streamer aussi. Puis, tu sais, comme mettons, s'il n'y a pas nommé One Up, là, ben, tu sais, il fait juste hurler tout le long, là. Non, c'est pas vrai. Ouais, lui, c'est un crieur. mais tu sais, c'est ça qui est le fun. On te regarde le streamer, c'est intéressant d'être avec toi. Puis, en même temps, mais tu sais, je veux dire, c'est la façon que tu le stream. Moi, j'aime ça. Puis, je sais que moi, ça marcherait pas. Moi, je serais pas capable de faire ça. Bon, ben je pense que je vais aller jouer à ça une fois qu'on va terminer le live. Tu vas-tu passer par un petit tour? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et bon, certain. Je vais prendre 5 minutes, je vais aller aux toilettes, je vais commencer mon live, je vais vous mettre de la musique en attendant, puis je reviens, ça sera pas long. Sinon, le live, moi, ce soir, je suis vraiment satisfaite de ce qu'on a eu. On a eu beaucoup de gens, beaucoup de follow, vraiment nice. Merci à ceux qui viennent de ma chaîne aussi, très apprécié d'être venus ici, du follow. On vous aime. Oui, puis là, j'espère que tout le monde dans le chat, vous êtes allé follow la super chaîne de Anne B Gaming et la mienne. On va la renvoyer. www.twitch.tv/annebgaming. Ouais! Je suis pas faire de la pub, hein? Ouais! Puis, comme ça a été mentionné au début, notre podcast est le premier mercredi de chaque mois. Ouais. On va spammer les réseaux sociaux, dans le fond, Twitter, Facebook, même Snapchat pour NB. Yes! On tu va... vois que ça marche? Oui! Fait qu'on va... on va vous spammer, inquiétez-vous pas. On espère que vous allez revenir. Comme on a mentionné également, on veut faire un podcast. Dans le fond, c'est nous deux, là, on l'anime. On va avoir des invités. On veut axer sur des filles. Mais je veux dire, on aime tout le monde. Ça n'a pas rapport. Oui. On veut juste donner une petite tribune. Puis c'est tout. Fait que si jamais vous avez, peu importe, là, des suggestions, whatever, nanana, on est sur les réseaux sociaux, comme mentionné. Fait que... Ah, mais oui, mon Musée au Japon qui dit qu'il demande son hâte au E3. Mais hein! On en a parlé beaucoup, là. Yep. Puis, justement, là, on a fait un horaire super cool, là, sur les réseaux sociaux. Fait que vous irez le voir également. Avec les heures du Québec! Fait que c'est ça. Ben, merci tout le monde. Très gentil, très apprécié. Ouais! Au revoir! Bye-bye! Reason.